C'est un vrai génie. Et moi, c'est Hugo, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles-Guyane. Génération 9-7. Bonsoir tout le monde! Salut! On est de retour. Madagwadayana, une chose est sûre, le soir, vous n'avez pas le choix! Ici, c'est la libre antenne des auditeurs! La libre antenne est faite par toi! Pour toi! Chez toi! Avec toi! Ladies and gentlemen, bienvenue aussi à Lilou ce soir qui est avec nous dans le studio. Salut Lilou! Bonsoir! On va encore avoir droit à tes petites expériences. En ce moment, elle teste une nouvelle application. C'est la... C'est... Comment dirais-je ? C'est la coquine un peu assumée, en fait, de l'émission. Parce qu'il y a des coquines en mode sous-marin dans l'émission. Mais la coquine un peu assumée, qui est en train de tester une application depuis 2 jours, elle nous en dira des nouvelles. Elle a testé un truc qui a été cité, évidemment, par... qui a été créé, pardon, par un site pour adultes. Tu nous en donneras des nouvelles. Un truc qui te permet de calculer, le nombre de calories... En fait, que tu perds. En fait, transformer un peu tout ce que tu fais d'un peu sexy, d'un peu sexuel, en sport. Ouais, et ça va même plus loin. C'est-à-dire que tu peux choisir ton programme selon la zone que tu veux muscler. C'est genre le Wii Fit du sexe. Mangerbaiser.fr. Hashtag G97, hashtag 13FM. On a également le stagiaire avec nous ce soir. Salut. Ça va, Ticam? 0820-230-200, hashtag G97. On se connecte également sur les réseaux sociaux. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Au programme de la soirée, on va vous offrir des chaussures. Ouais, il y a les Nike Air Max qui vous attendent. Au double hit, en fait, c'est 7 titres de Cécile enchaînés à Yuji Dance For Me. Les deux titres s'enchaînent, vous débarquez au 0820-230-200. Évidemment, ta pointure. Bah oui, si tu fais du 37, aucun intérêt qu'on t'offre du 43. Même si nous, ça pourrait nous faire rire. Je dis ça, je dis rien. Mais ça se passera pas au moment où tu les gagnes, ça se passera au moment où on passera la commande. Hashtag G97, hashtag Trace FM, tout le monde est là dans les starting blocks. On a également Mr. Tijo derrière les platines de la Trace Radio, comme tous les soirs. Ça va? Ouais, tranquille. Ouais, posé. Oh putain, il a un micro. Il a un micro maintenant. DJ officiel de Génération 97. Eh ben alors, mon frère. Ben ouais, les temps changent. Eh ben c'est... Non, mais c'est cool. Tu peux interagir avec nous. Par contre, pendant le before, moi j'ai encore kiffé le temps que j'arrive à la radio et tout. Putain. Tranquille, n'allume pas le micro, reste concentré sur tes mix, mon frère. Reste concentré, tu nous l'as donné réel. Yes, hashtag G97, hashtag Trace FM. Ce qui veut dire qu'à partir de moment encore plus, la radio est libre. Tu réclames ce que tu as envie d'entendre, c'est mixé par un DJ. Tu parles de ce dont tu as envie de parler. Tu pièges qui tu as envie de piéger. Bienvenue dans la génération 97. On a du monde du côté du standard avec nous. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous as pas dit bonjour, c'est tout. Moi non plus, tu m'as pas dit bon prénom. Mais les gars, on n'a pas besoin de dire... J'ai dit bonjour à tout le monde, hein, bonjour. Non. Tu as cité Lilou et puis nous... On n'y fait pas dedans. Lilou et le reste de l'équipe. Moi, j'ai pas entendu mon nom. Mais moi, j'ai presque envie de vous dire que selon l'expression consacrée, vous êtes vieux. Ah bah, on rentre chez nous. On est vieux ? Ouais, enfin, vous êtes dans le... Je sais pas, moi, j'ai eu l'impression de vous avoir déjà vu. Lilou est arrivée après tout le monde. Mais non, elle est arrivée avant moi. Moi, j'ai jamais compris dans... Il t'a même pas vu arriver, en fait. Mais vous avez compris qu'en fait, le but du jeu à un moment ou à un autre, c'est de dire bonjour aux auditeurs en fait quand on arrive à l'antenne. Oui, mais comment je fais pour leur dire bonjour si tu ne me donnes pas l'autorisation? Mais de... tu as dit bonjour, hein. On a mais dit bonjour nous... tous ensemble. Mais tu nous as pas présenté. Pareil. Tu as présenté Lilou et puis nous on existe. Le truc pas. Arrive, le truc dit Kianix c'est notre chef, Nessie c'est... J'ai pas entendu mon nom. Mais c'est parce que... Ah, pardon. Alors, on va refaire l'intro, on va dire Nessie, gung gung gung. Là tu vas savoir que c'est de toi qu'on parle, gung gung gung. Bref, bonsoir. Salut, bonsoir Nessie. On se croise dans les couloirs, là on était là pendant le warm-up, là, le before, la machin, dans les couloirs, en train de prendre des cafés, en train de discuter un peu. On s'est déjà dit bonjour, c'est aux auditeurs, c'est ce moment-là, il est dédié aux auditeurs. C'est, faut arrêter de vous faire mousser la nouille en disant oh tiens, je dis bonjour à Nessie dans le couloir tout à l'heure, mais je lui ai pas dit bonjour à l'antenne. Bonjour Nessie. Moi j'adore me faire mousser la nouille. Oh là. Tout seul ou après? Ça cache quoi ça? Dark, j'ai des images qui m'arrivent dans la tête. Fallait pas visionner. Bon, et tu vas me démarrer avec un petit trucha Megamix là, s'il te plaît, Mister Tijo. Tijo Sand avec nous, vous réclamez vos sons également aussi au passage. On a pas mal de choses qui vont débarquer du côté du standard. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir? On a du Hey Baby Allo qui arrive dans les prochaines 20 minutes. Hey Baby Allo, J'espère que je me dérange. Le Hey Baby Allo, ça ressemble à ça en fait. On a complètement détourné. On a utilisé Kalash, ouais. On a utilisé Kalash. Kalash est avec nous tous les soirs. Par la pensée, peut-être bientôt par avocat aussi. C'est clair, on va avoir des problèmes. Hey Baby Allo, j'espère que je te dérange. Eh ben décrochez un. Puisque c'est vous qui nous donnez les numéros de téléphone. Allô. Hey baby, allô. Qui sont à dire là? C'est qui? C'est qui veut te demander? C'est toujours ton numéro. Qui t'a donné mon numéro? Ta mère me l'a bien dit. Maman, hein? Ah ouais, vrai, toi là. Maman, c'est sur toi. Bon frère, je raccroche à plus tard. Évidemment, ça se termine tellement parfois crade qu'on va pas le diffuser tout de suite. On va surtout appeler une nouvelle personne. C'est vous qui nous envoyez les numéros de téléphone 0820 203 200 hashtag G97 hashtag Trace FM. Qu'il aime ou qu'il déteste Kalash, c'est un client pour nous. Allez, on se lâche un petit pop là. On revient juste après dans Génération 97 Madagua Guadayana. Génération 97. Pour mon friend qui l'a joué la frio. Mon badon pas mi frio. Mon rail c'est mettez le vel à tout de ton prédit. Ton pic radio kaba et ton dépend plein de gaffa. Pour mon friend qui l'a joué la frio. La la pomme mi frio. Mon rail c'est mettez le vel à tout de ton prédit. Ton pic radio kaba et ton dépend plein de gaffa. Sarah bye rendez-vous centre pénitentiaire. Yo si mes bas nous semi-liberté, permission, refusé, maudit, rien nous pas fait. Surtout là, yo talon est pour pousser. C'est bête à la capable au maltaine. Parfois bad baya carré dissopie. Surtout l'homme à guest tu pour la tête. En camane disait tirer pour son friend qui la joue la frio. Pompi DJ frio man. Mon rail c'est mettre le vel à tout de ton petit ton pic la radio cabaye ton des bons plans gaffa. C'est mec toujours fait ou pas j'en fais en patate. Si ou ka échoué man ni la westman fitat. Et si man d'où débloque la tout de moi kati. Génération 97. C'est mec toujours fait ou pas j'en fais en patate. Si ou ka échoué man ni la westman fitat. Et si man d'où débloque la tout de moi kati. Pour cette vie qui vermi. T'as propagé qu'on rate. Il toujours en bas fait y'a rien, il pas qu'à rater. Pour des belles filles, j'y mets l'esprit à cad. Pour y plaider, bah tout le monde parce qu'elle m'a pas raté. Yo balé à cibé, acta yo. Faut cacher y'en leur plein temps, dit qu'à ses paillots. Bon service pour taper mal dos. Attends, moi, ravi du brille, yo, il faut qu'il fasse. Crier police, man, manager, y'a Batman, Batman. Ouye, ouye, manque d'humanité, qu'à fou à man, qu'à run mood, méchant, méchant. Policeman, pas qu'à courir de Jeff et Batman. Assez. C'est un tout peuple à yoye, parce que pas qu'à vivre dans, vivre dans, vivre dans. Maman, pas rester moi, y'a payé y'a moi encore. Si mes nourris nous qui achetez des yo cabane sort. Maman, qu'à travail, y'a pas l'autre pour y gagner la chèque. Pas dit moi, c'est pas ce moi, ça va pas vrai. Ça va pas vrai. Je m'en lève pour moi, je n'y pas vrai. H24, mon toujours mou toujours en fait. Donc, ou petit moule ou pas ni un yanvier. Y'a le pas ni mou, cette passe, mais ça, ça pas vrai. Je mou toujours en l'air pour mon seul yoga capoué. H24, mon toujours mou toujours en fait. Donc, ou petit moule ou pas ni un yanvier. Babylon, les lacs, Mia. Où tu passes, elle dit que y'a un fuck up. A pas le city, y'a que j'en la drop. Pas à rien, y'a un jack, y'a un gas mat. Babylon. Babylon les lac me up, put me pas sensible you don't fuck up. A pas ici qui yo que j'en la drogue, pas ça rien qui ganja qui mou gas mat. Babylon, yo tchembe mou ke roun pom. Mou marijuana fait garde à vue, mou pas de petit personne en plus. Y'a ta fireball, les capos c'est tout stress et pas mou expérience. Yo quand j'achète un preuve, vous mettez ma ginger. Ginger, ginger. Police l'a dit que mon café top zen. Mettez pas de là. Marie m'a dit moi, on y doit, c'est la peine. Chiche là. Puis en fait, moi l'argent comme plus mineur. We dead matter, tu ouvres la porte. Regarde les chemins, y'a besoin de lock me up. Yo décide que c'est moi qui vend up. Fouillez, trouvez, balle et piglock. Montrez-moi photo, on va connaître ça. Ou j'en connais nous, même nous pas des lance pas. Ou parlez pas les garçons. Allez dormir la nuit, la vie par les sons. Yo quand cherche preuve, vous mettez ma ginger. Ginger, ginger. Police la dit, comment t'as fait comme ça. Pété pote là. Marrez-moi, dis-moi, on y va, c'est la peine. J'suis là. Bon, bon, troisième audition là, ok, parlez. Vous parlez pas les garçons, qu'est-ce qu'il y a ça. Ça qu'a fait toi jouer en cadisse, t'en pas ça. Pour qui ça nous qu'attend, nous on l'écoute là. Mais c'est l'OPJ, peut-être c'est vous qu'attend de voir. Nous qu'a veillé depuis long time. Les sons de boca, y'a nous trouvé physique et pâle. Où c'est que ça fait comme, bah nous y'en des têtes. Où qu'a sorti l'embête. Déjà pour y'en a pas connaître ça. En pas qu'à lance pas. Dis-moi c'est troisième bras moi. Ok mon cadre quand ça va. Hey, il me parle de whisky, de coco et de banane. Se prend pour un pur sang, mais de la fond c'est un âne. Je vais te faire du bon gueule, tournez-vous les balles bien, bois, tiens bien ta canne. Heureux de constater que musicalement parlant c'est en panne. Tu te pousses tant bien que mal. Et t'es relou donc t'as du mal. Tu me voles quand t'as la dalle. Je suis pas de toi dessus, normal. Dans ton fils t'as des yeux te trahissent. T'aurais dû mettre tes casales. On te sent tout pas, tu sais que tu mens petit putain. Fuck le bon. Fuck le bon. Le bon bichet comme il y a pour man bail. Pseudo Batman qui est police bail. Il va connaître respect, faut qu'en faire lui son bail. Bonjour, merci, s'il te plaît, bye bye. Bon voilà, on l'a lancé sur du truchard. Il a encore dérapé, c'est le principe d'avoir un DJ quand même hein. Tijo Sound avec nous, Génération 97 à débarrer. J'en ai vu de toutes les couleurs. Surtout des rouges et des bleus. Merci d'être avec nous, la radio est libre, sur le mix, sur le talk, sur le délire aussi. Cette émission vous appartient, elle doit vous ressembler. Vous débarquez 0 820 203 200. Somme Alice Boulo. Grâce FM. Grâce. Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. 0 820 203 200. Merde. 0 820 203 200. Bah si c'est ça. Génération 97. Ta radio va péter un câble. Première auditrice de la soirée. Morane. Salut Morane. Allô allô. Bonsoir Morane. Oui je suis là. Ça va bien. Allô bonsoir. Tranquillement. Tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Fort-de-France. D'accord ok. T'as quel âge? J'ai 23 ans. D'accord, c'est bien, t'as vu. Elle écoute bien les questions parce qu'elle nous connaît, tu vois, elle est sur ses gardes. Elle écoute bien les questions pour bien répondre aux questions parce qu'elle se dit, moi, ce soir, on ne va pas me tailler. Hashtag G97, hashtag TraceFM, t'es le sujet, tu débarques dans une dizaine de minutes pour nous raconter l'histoire. Si je te donnais une seule phrase pour résumer ta situation, même si tous les détails tu vas nous les donner tout à l'heure, mais une seule phrase pour résumer ta situation, ça ressemble à quoi? Oui, d'accord, y'a pas de soucis. T'es où? Tu es où là? Morane. Allô, je suis là. Mais t'es dans un magasin? T'es à la station? Tu fais quoi? Ben je suis là, je suis assise. Mais t'as parlé à quelqu'un? J'ai entendu une voix, les gars. Vous avez entendu une voix aussi? Oui, j'ai entendu la voix. La meuf couillonne les gens. T'es où? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais, Morane? Mais je suis là, je vous attends. Donc là, ma situation actuellement, c'est que... Elle essaie de nous couillonner, elle veut pas nous dire. Elle veut pas nous dire. En fait, ça se trouve, c'est un plan non-legalized. Bon, on va voir. Voilà, en une phrase, ta situation. En une phrase, ma situation, ce sera que mon ex, l'ex de mon copain, on lui a offert une PS4. L'ex de ton copain? L'ex. Ah oui d'accord, ouais. Parce que t'as commencé la phrase en disant mon ex, l'ex de mon copain. Déjà elle est sortie avec beaucoup de monde. Non. Mon copain actuellement, son ex lui a offert une PS4. Uh-huh. Et tous les soirs il est chez eux. Ouais. Et tous les soirs il est chez son ex et ça me saoule quoi. Alors voilà, il lui a offert une PS4, mais la PS4 ouais, en fait est hébergée chez l'ex de ton copain. Oui, son ex, son ancienne meuf. Oui, j'ai compris. Mais tu penses qu'ils jouent à la PlayStation ensemble ou pas? Pardon? Est-ce que tu penses qu'ils jouent à la PlayStation ensemble? Honnêtement, non. Alors, elle est où la PS4? Elle est chez la nana ou elle est chez vous, avec ton mec? Mais c'est la nana. T'es en train de te faire couillonner. Oh, pas forcément. On va pas. On va écouter attentivement non, parce que mine de rien, ça se trouve. En plus, en plus, tu vois, le pire c'est que ils ont un gosse ensemble, tu vois. Donc de toutes les façons, s'il est là, PSK ou pas, ils sont toujours liés. Toi, c'est bon. C'est bon, ils sont séparés, tu sais, chacun fait sa vie de son côté, mais en même temps, ils ont encore des petits points d'entente, quoi. C'est mignon. On réfléchit bien à la question que tu veux nous poser. C'est pour savoir quand est-ce que sort la PS5. On n'a pas encore l'information. Pour essayer de surenchérir, parce que là, c'est difficile. Hein. Face à une PS4, comment tu peux récupérer ton mec? Je ne sais pas. Je sais pas. Réfléchis bien à ta question. Dans 10 minutes, on en discute avec toi. Tu bouges pas, Morane. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On se prépare également à jouer là, dans le prochain quart d'heure. Premier jeu de la soirée, ça sera du Big Quiz. Vous inscrivez pour repartir avec quelques cadeaux. On a dans la liste des cadeaux. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Des places de cinéma pour le film de votre choix, que vous soyez Martinique, ouais. Guadeloupe, Guyane. Tu as ouais. aussi du Tarus Riley, ça c'est du côté de la Martinique. 30 septembre à l'Oasis. Yes, on vous offre des places pour tout ça. Vous débarquez simplement au standard pour vous inscrire. D'ici là, il y a quelques breaking news également qui vont débarquer histoire de faire un peu le tour de l'actualité. Qu'est-ce que nous avons dans l'actualité, dans les grandes lignes? Oui, il y a une pétition en fait qui a été signée. On va en parler hein, concernant la FIFA. Concernant la FIFA? Ouais. Pas le jeu, hein? Si, si. Alors c'est pas la FIFA, c'est concernant FIFA. Ouais. Concernant FIFA. Mais c'est pas grave, tu peux compter sur nous ou alors on peut demander au copain de Morane si tu veux. Il a l'air de s'y connaître en matière de jeux vidéo. Ok, quoi d'autre? On va parler de Gilles Saint-Louis aussi. Ouais. Ouais. Et puis on parlera du prochain artiste qui va être dans Danse avec les Stars. Yes. Vous avez remarqué aussi que, moi ça m'a fait bizarre, mais Voice Kid aux États-Unis, il y a une Saint-Martinoise qu'on connaît pas directement, mais qu'on a eu l'occasion de croiser en tout cas avec les équipes de Trace lorsqu'on était là pendant le carnaval en fait de Saint-Martin. Il y a une petite nana qui est en train de s'illustrer en fait dans cette compétition à l'échelon américain quand même. C'est Voice Kid version États-Unis. La petite nana est saint-martinoise, elle est jolie comme un cœur et en fait elle a énormément de talent aussi. On en parlera dans un petit instant. Il y a bien d'autres choses aussi. Il y a peut-être des news qui vous ont fait halluciner. Des news que vous avez vérifiées. Pas forcément des trucs qui ont tourné sur WhatsApp. On vous dira également quels sont les intox de la journée et quelles sont les vraies infos. Je sais pas si vous êtes tombé sur cet audio, mais il y a un mec qui annonce que notamment il y a eu un braquage et une femme qui a pris une balle dans la tête. Nous sommes allés investiguer. Nous avons enquêté et nous avons enfin, surtout, avant que tout le monde et la population cèdent à la plus grande frénésie, la plus grande panique, ben nous savons si c'est une intox ou une info. On vous le dira dans un petit instant. D'ici là, c'est Soprano dans la Trace Radio. Souviens-toi, elle est la grande gagnante de Trace Music Star. Cette semaine, Estelle B débarque sur Trace avec son premier hit enregistré chez le Watibé. Dernier jour. Tout le week-end, écoute Trace FM pour découvrir en total exclu le premier hit d'Estelle B avec Canal+, McDonald's et Airstar. Paré pour la rentrée, t'inquiète ça va aller, à condition de te procurer le forfait SAP by SFR. T'as SMS illimité et une heure pour appeler. Tu peux même surfer avec 500 mégaoctets à partir de 9,99€ par mois pendant 6 mois, plus 14,99€ par mois. Si j'étais toi, je n'hésiterais pas. Eh ouais, c'est nouveau et c'est posé. Forfait SAP by SFR, ça le fait. Offre soumise à condition jusqu'au 28 septembre. Prix sans mobile avec engagement 24 mois. Détails et restrictions en boutique SFR. Bye signifie par. Ici, au 96-300, dans tous les coins de l'archipel, t'attendent des centaines de gens qui, comme toi, veulent trouver l'amour. Ici, ICI, au 96-300, consulte les profils d'hommes et de femmes de toutes les Caraïbes. Alors envoie par SMS, ici, au 96-300. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Le soir, c'est Total Libre Expression sur Trace FM, dans Génération 97, avec ton Amigo en mode Déter Déter. Amigo Fun and Fruity Life. Fun and Fruity Life. Le soir. Génération 97. Personne peut tester. Génération 97. On revient dans un instant avec du Hey Baby Allo ce soir. Évidemment, vous connaissez quelqu'un qui aime Kalash ou qui le déteste, c'est pas grave, on le lui passe au téléphone et on voit comment ça réagit en live. D'ici là, on part sur Soprababa. Soprababa en mix. Vous réclamez vos hits aussi, Real Talk, Real Mix dans la radio tous les soirs. A tout de suite, on revient également avec le sujet de Morane. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux.

Je me suis senti enveloppé par l'intro du morceau suivant. Reviens dans G97. Turn the Ritz into a pole house. It's like eviction number four now. Go ahead and ash it on the floor now. Girl, go ahead and show me how you go down. And I feel my whole body peeking. And I'm fucking anybody with their legs. Why getting faded with some bitches from the west side? East coast, nigga, reppin' north side. Never waste a whole time. Chargé, ne fais plus de commentaires. T'as déjà ragé, tu sais plus comment faire. Sera sûrement désagréable. Nouveau riche, mon Lamborghini. Après quelques dodans, j'fais ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je suis pas raisonnable. La valeur dans ton salon sera sûrement désagréable. On trinque à nos balles, fera nos crochets tous les soirs. Noir c'est noir, on t'aide, y'a donc vraiment plus d'espoir. Les vainqueurs, les crêpes, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs, les crêpes, les vainqueurs. Before I go it out of sight, I swear it pay. I spot my bitch and then she edging like a brick. Yeah. I'm in Ellis, I know Jimmy, he got racks. Yeah. Bitch, I'm bleeding like a tank. Run it, put me on your back. Run it. Devil show my damn, got him like a tank. Woo. I'm a cat, I'm a jet, all them pussy racks. Pussy nigga, man, I look back. Or else I'm killing them. Hey, yeah, that's fat. Blood all over my timber. She make a nigga say what? I swear to God she feeling on. She suck like they dicks. I can't. Miami, patty look like candy, bit look like brandy. I don't want your girl, but I left her wet like sandy. Génération 7, le soir, la première libre antenne des Antilles Guyane est sur Trace FM. On revient avec le son de tout à l'heure et les titres que vous réclamez au standard 0820-203-200 ou sur les réseaux sociaux. On dit bonsoir à qui sur les réseaux sociaux? Tiens, Crackedet nous a rejoint. Salut Princess Mayu. Bonsoir Serge également. On a Virati qui nous écoute ce soir. Il y a Nikki Fraise aussi sur Snapchat. Somaldi 972 d'ailleurs, c'est son anniversaire, elle a dit Somaldi. Bon anniversaire Somaldi. J'ai beaucoup entendu parler du massacre en Somaldi. Vraiment, toute une pensée très émue de l'équipe. On a Kylie aussi, hashtag G97, hashtag Trace FM, ça c'est sur. Et Taïmar aussi. Ça c'est sur les réseaux sociaux, vous nous rejoignez 0820-203-200. On a les breaking news qui arrivent. On va tout à l'heure faire un top flop des rentrées qui se passe pas très bien. Vous allez voir qu'il y a plein d'établissements scolaires qui sont concernés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Mais pas que les établissements scolaires. Parfois, en fait, c'est la rentrée des boîtes de nuit qui se passe pas très très très bien et qui impacte aussi les établissements scolaires. C'est rigolo, on en parlera dans un petit instant. Ça va jusqu'à Montpellier, notre enquête. Hein, parce qu'on pense évidemment à de la diaspora, tous les étudiants du 9-7 qui peuvent être à Montpellier, Toulouse, Bordeaux ou encore évidemment Paris. Tous ceux qui nous écoutent éventuellement le soir également sur www.trace.fm. Le top flop des rentrées, c'est dans un instant, mais d'ici là, c'est Moran. Moran ? Oui. Ouais, j'étais pas sûr que tu te reconnaisses si je disais ton nom en anglais. J'étais pas sûr. Que se passe-t-il dans la voix de cette jeune fille désespérément amoureuse? Et dans la vie? Parce que dans la voix, ça se perçoit. Mais dans ta vie, avec les détails, c'est encore mieux pour qu'on y voit un petit peu plus clair. D'accord. Alors, si on prend l'histoire depuis le début. Alors, actuellement là, je suis en couple avec un jeune homme. Et il a un enfant avec son ex. Depuis peu, son ex lui a offert une PS4. Et il reste là, le prendre chez son ex, en faisant quoi? Parce que ça, c'est le dos de l'enfant. Ouais, ils passent beaucoup de temps ensemble, en fait. Voilà. Alors, il y a des choses pour lesquelles c'est légitime, quelque part. Sauf que quand des personnes se sont séparées, moi j'entends rarement des gens qui s'entendent. C'est beaucoup plus rare en fait d'entendre des couples qui s'entendent bien après s'être séparés, quoi. Mais c'est vrai que là, c'est un peu de ta faute en fait, j'ai envie de te dire. Oh bah, direct. T'as acheté une occasion, en fait. Si t'avais acheté une voiture neuve, tu aurais pas eu ce genre de problème. Mais une occasion, bah tu sais jamais comment le précédent propriétaire l'a roulé. Et si ça se trouve, ouais, l'ancien propriétaire manquera toujours à la voiture. Là, le problème, c'est que l'ancien propriétaire, apparemment, il a encore les clés. Ouais, en plus, il a encore les clés. La carte grise n'a même pas véritablement changé, en fait. Non, mais en plus, le pire, c'est que la piche-piche, là, elle a l'air son mec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais... Attends, elle joue avec la... Il joue à la PlayStation avec mais avec ils s'entendent, peut-être que c'est... Voilà, une vraie piche-piche. Non, mais toi, t'es persuadé que c'est... Il y a du vice là-dedans, il y a un truc. Alors que ça se trouve, en fait, c'est simplement le fait qu'ils aient un enfant ensemble, ils essayent de montrer un front uni, des parents qui ne sont plus ensemble, mais se détestent pas pour autant. Sans doute, mais de là où est-ce que tu vas passer quasiment tous tes jours ou quasiment tous les week-ends avec là-bas, je suis désolée. Ouais, tu préférais la garde alternée en fait. Il faut être honnête avec toi-même. Tu préférais la garde alternée. Attends, j'ai une question. Il a une chambre chez elle ou pas quand il reste dormir tard? Mais je sais pas, normalement non, il devrait pas vivre là-bas. La vraie question c'est est-ce qu'il découche? Ils passent du temps ensemble? Mais est-ce qu'il découche? Ça veut dire, est-ce qu'il lui arrive de ne pas rentrer le soir? Oui, oui. Et il dort chez elle? Mais je sais pas. Et le nouveau mec de son ex, il vit aussi dans la maison? Non, il vit pas dans la maison, il fait des allers-retours. Ah, je croyais avoir enfin identifié le groupe WhatsApp qui promet des partous très très chaudes. Ah. Désolé. Bon, non, alors... sérieux. C'est quoi ta question? Tu vois là, moi je sais plus quoi faire. D'accord, mais tu nous appelles, tu sais plus quoi faire, mais qu'est-ce que tu veux faire déjà? Je sais pas. Tu veux qu'on demande l'avis des auditeurs, tu veux quoi? Moi je sais pas, moi j'aurais que cette situation-là, tu vois, il arrête d'aller fréquenter tous les jours et tous les week-ends chez son ex et qu'il passe plus de temps avec moi. Alors. En même temps, c'est pas que son ex, c'est la mère de son enfant. C'est peut-être un détail très très important ce truc-là. Ok? C'est pas anodin, je veux dire, tu sais ce qu'on dit à propos des enfants, on dit 30 secondes de plaisir, 30 ans d'emmerde. Ok? Ils sont liés à jamais dans leur vie à travers cet enfant. C'est peut-être important pour pas trop déséquilibrer l'enfant, c'est peut-être une stratégie. À un moment ou à un autre, par contre, je trouve que si c'est leur stratégie ou si c'est leur décision, je trouve qu'ils devraient t'en parler. Tu devrais pas être comme ça dans l'angoisse. Ça fait combien de temps que t'es avec le gars en question? Un an et demi. Et au début, c'était comment? Ben, au début, c'est tout beau, tout nouveau. Vous savez, la vie est rose, on est là, on se flexe, la belle vie, tu voyages. Il n'allait pas trop la voir au début. Non, pas du tout, au contraire, il me disait, ouais, je vais récupérer mon fils si tu veux, on passe un moment ensemble, machin, je souhaite, on est pour les toits. Et vous arrivez, vous arrivez à en discuter calmement, je veux dire, toi et ton compagnon. Ah Ah ouais, ça, ça serait excellent. C'est-à-dire qu'en fait, il s'engueule pas avec son ex, mais il s'engueule avec sa meuf. C'est ça, quoi. Tu sais, genre le mec, genre, en fait, il devrait divorcer de sa meuf et se remettre avec son ex, en fait. Si on écoute ta démonstration. Est-ce que toi, déjà, tu arrives à lui exposer calmement ce qui te fait flipper? Je lui explique, j'ai dit fois au WhatsApp, t'es là, tu m'as dit des trucs que tu vas soi-disant voir ton fils. Tu n'as qu'à l'emmener à la maison, tu vois, c'est-à-dire, puisque au tout début, tu l'emmenais à la maison, on sortait ensemble, on faisait des trucs là. Et maintenant là, non, tu veux pas, tu vas tout seul, là, et je. Ça calme là. Et quand vous êtes que tous les deux, toi et ton copain, est-ce qu'il y a toujours une complicité ou est-ce que tu le sens distant? Pardon? Est-ce que tu le sens distant quand tu es avec lui, quand vous êtes tous les deux, ou il y a t'as toujours. T'as quand même des moments privilégiés, quoi. Avec lui. À vrai dire, il est distant, ne serait-ce que des fois, je vais aller personnellement, lorsqu'on fait l'amour, ça va pas, ça va plus, quoi. Ça c'est à dire, qu'est-ce qui va pas quand vous faites des câlins? C'est que tout, vous savez, l'amour franchit et puis l'amour franchit. Il dit le prénom de l'autre, des fois, quand il a un orgasme? Parce que ça, c'est un vrai détail important. Hein. S'il dit le prénom de son ex pendant qu'il fait l'amour avec toi, oui, il y a un problème. Non mais moi je cherche la pire des situations en espérant qu'elle me dise non, mais ça se trouve elle va me dire oui. Quoi? Il dit pas. Il dit chérie. La technique doudou. Moi je connais une fille et je connais un garçon dans leur vie, en fait pour éviter d'avoir des problèmes. Tu sais, chaque fois qu'il changeait de meuf, il reprenait une meuf avec le même prénom. Je connais quelqu'un, il est sorti avec 5 ou 6 Mélanie, hein, c'est pas une blague. Hein. Je connais une fille, elle sort avec des mecs qui ont toujours le même prénom. Mais tu vois, bah, donc c'est, ça arrive. C'est une bonne copine. Donc tu vois, bah, donc ça arrive. C'est ça qui est rigolo. Tu peux jamais te tromper sur le prénom. tu sais jamais si c'est toi qu'elle appelle ou si c'est son ex, t'en sais rien. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820-230-200. Est-ce que... Au départ de votre relation, quand t'as découvert qu'il avait un enfant, il a joué carte sur table, il t'a dit, ou alors tu l'as découvert un petit peu plus tard? Bon, il m'a dit, ouais, tu vois, actuellement, je suis père, machin, je souhaite, j'ai ça, machin, j'ai vu ma vie pour le moment, je suis célibataire, je vais voir mon enfant chez mon ex, mais sans plus, tu vois. Ok, est-ce que tu as montré à un moment ou à un autre des réserves du fait qu'il ait déjà un enfant? Non, pas du tout, au contraire, je l'ai accepté, je lui ai dit, ah ouais, si tu veux, moi aussi, si tu veux, je pourrais même l'adopter. J'ai une question encore plus délicate, est-ce que tu le vois, il vient chez vous, ou alors non, finalement, l'enfant est toujours régulièrement chez sa maman, en fait, et c'est le papa qui fait le déplacement pour y aller? Le père. D'accord, donc en fait, t'as très peu d'occasion de développer une relation avec la nana, avec le petit garçon, pardon. Mais elle-même aussi, tu vois, elle met des snaps de lui aussi, je vois la PS4 avec son fils aussi, en bouchant son visage, en mettant des smileys, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas. C'est-à-dire qu'elle couvre le visage de son fils sur Snapchat. Non, mais c'est normal, elle a peut-être envie de et protéger. Et elle envoie des snaps non, mais c'est surtout des qu'il y a, deux qui jouent voilà, à la Play. Il y a machin, elle envoie des photos, mon moi, fils et son père sont en train de jouer. Mais moi je sais pas si ça me choque ça en fait. Bah non, parce qu'au moins tu sais qu'il joue vraiment avec son fils à la Play. Voilà. Par contre, ce qui me choque c'est que tu es le temps au moins qu'il pose pour la photo quoi. Ou le snap, ou la vidéo. Mais moi c'est pas ça qui me choque en fait. C'est que je me dis qu'à un moment ou à un autre en fait c'est pas facile en fait de reprendre un dossier qui a déjà été. C'est ça. C'est très compliqué. Et pourtant je pense que des gens qui prennent la décision parfois de se séparer, ils savent en bonne et due forme pourquoi ils se séparent. Est-ce que t'as eu l'occasion de discuter avec ton mec de la raison pour laquelle il n'est plus avec la maman aujourd'hui? Tu sais pas trop. On en a discuté, mais très vaguement. Tu sais, comme ça, ce sont des sujets difficiles. Tu n'as pas envie non plus d'entrer dans tous les détails de son ancienne vie privée. Donc ça, c'est ça, je vais pas. Oui et non, c'est pas à toi de violer ces détails. Par contre, c'est à lui de te donner un peu d'informations quand même, sans trop en dire. Il n'y a pas besoin de tout raconter. Mais à un moment ou à un autre, c'est de l'échange. Là, tu sais, tu confonds. En fait, on est en train de tout mélanger. J'ai l'impression que tu es plus capable de parler de la relation avec son ex que ta propre relation avec lui. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que tu vis avec lui. Parce que si ce que tu vivais avec lui était tellement rassurant ou épanouissant que tu te poserais même pas la question de qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il va, pourquoi il passe autant de temps avec son ex, je ne crois plus à l'histoire de « c'est pour l'équilibre ou l'éducation de mon enfant », il y a un autre problème. Au lieu de chercher qu'est-ce qui se passe avec son ex, qu'est-ce qui ne va pas avec lui dans ton couple? Je sais pas, peut-être que c'est une question que je devrais me Bah, je suis là à débattre avec lui, sans doute. Mais j'ai l'impression que cette conversation, elle a même pas lieu, en fait. Pardon ? Tu l'as jamais posé la question. Vous avez jamais eu une conversation d'adulte. Tu sens juste la situation pourrir, en fait. Ben oui, moi je suis là, je lui dis bon, oh, ça, tu vois ça là, il y a ça, ça, ça qui ne va pas, machin. Et puis voilà, si tu acceptes la balle, si tu veux pas, tu le craches. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout, moi tu je suis basta. Un petit gars quand même, hein. Pardon ? Non mais même dans la conversation, vous vous rendez compte, hein, on a un petit peu de mal aussi à discuter. Hashtag G9-7, hashtag TraceFM. Peut-être que les auditeurs ont un meilleur recul, hein, derrière la radio. Ça se trouve, c'est peut-être un truc. Alors, est-ce que quand un mec fréquente encore son ex ou parle encore de son ex, est-ce que c'est forcément ça doit mettre la puce à l'oreille? Est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, il y a des gens qui ont pas une bonne intelligence, surtout quand ils ont un enfant en commun. Je veux dire, les gens qui se séparent pour de bonnes raisons. Ils ont souvent pas envie de retomber dans cette situation. Alors, même s'ils conservent une certaine forme de rapport, peut-être de la courtoisie, peut-être, c'est quand même des gens qui ont échangé de l'amour au point de faire un enfant ensemble, tu vois, l'ex de ton mec et ton mec. Maintenant que ça gêne la relation que vous êtes en train d'essayer d'établir, c'est pas cool. Par contre, est-ce que on est bien certain que j'ai l'impression qu'il y a que toi que ça gêne. Lui, il s'épanouit dans cette situation. Ben oui. Moi, ça devrait le gêner. Il a deux pour le plus d'un. Voilà. Il te dit quoi de tout ça, lui ? Pardon ? Il te dit quoi de tout ça, lui ? Elle n'a pas eu la conversation. On lui a déjà demandé. Mais pourquoi tu ne parles pas avec ton mec, c'est en fait ? Il n'est pas là, les gars. Oui, oui, il est bien. Bon, alors, voilà l'idée. En fait, nous allons nous brancher sur le PlayStation Network. Nous allons essayer de le contacter. Il joue à quoi ? Il joue à quoi sur PlayStation 4 ? FIFA. Ok, on va se connecter. Et FIFA et quoi ? Il joue à FIFA, il joue à GTA et voilà. Bon Sabri, tu vas te connecter, tu vas essayer de discuter avec lui parce que c'est des moments où psychologiquement on est peut-être... plus disponible, j'ai l'impression, que pour parler à sa propre meuf. Yo Timage, je suis avec ta copine là. Et paf, tu lui mets un but, tu sais. Et tu lui mets un but avec Verratti, exprès pour l'énerver, tu sais. Exprès pour l'énerver, tu lui mets un but avec Verratti, tu rates pas la balle. Hashtag G97, hashtag Trace FM, on s'écoute vite GBN, on revient avec du Hey Baby Allo et on revient avec des réactions au standard pour toi dans la Trace Yasmine. Radio. Il y a Yasmine qui nous rejoint, 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. Vous en pensez quoi également sur les réseaux sociaux? A tout de suite. Jalousie en belle jeune femme, belle jeune femme en vrai en tout genre. Si nous qu'est-ce que c'est pour en life, passons vers tous les jours, tous les jours. Pouvez ça sans y jamais vers tous les jours. Et qui aimerait Charles virer depuis le départ, qu'a senti moins bien aller tous les jours en vérité, wow. Y'a nous qui aille là où veille. Ou bah qui quer moi ve ou mettre sentiment en otage. Yalou c'est une belle jeune femme. En vie pas ou rêver seul. En qui fait tout pour ses temps. En quoi c'est là qui rêter derrière. Et nous qui flex en occuper des mounes. Et qui a dansé en qu'on a senti moins bien. Qui pour aller sans retour. En nous partir sans garder derrière. En savant jour qui est temps. C'est moi fort pour pas faire rien. En vérité, en pas changé, en toujours le même. Belle jeune femme, puis belle jeune femme, en vrai, en tout genre. Si nous qu'est-ce que c'est pour en life, passons vers tous les jours, tous les jours. Pouvez ça sans y jamais vers tous les jours. Ouah, que t'as là, chérie ou tout ce qu'on flaire, en vrai, sentir l'odeur, au moins, n'y a pas. Wow, tout nom me fait, mais même sous venir à l'essentiel, t'as tête à voir qu'elle shootait. Même moi, tout en fait, il pas de biblion qui ou gala, mais tout près. Ou non, stress, à pas trop à cacher, ou à vous vivre. Jalousie en belle jeune femme, puis belle jeune femme, en vrai, en tout genre. Si nous qu'est-ce que c'est pour life, passons le tout. Jamais vers, baby.

99.7. Bonsoir. Bonsoir. Prends la parole sur Trace FM. Génération 97. Allô? Hey baby, allô? J'espère que je vous dérange. Je n'ai pas pu me retenir, je sais qu'on s'est quitté à longtemps. J'ai toujours ton numéro. Je le connais comme mon nom. J'hésitais mais fuck qu'on est beau. De t'entendre, je suis content. On m'a dit que t'as un enfant. Je suppose qu'il s'appelle Adam. C'est ce qu'on s'était promis, jamais je n'oublie. Un fils ou une fille, si j'avais mon CD, même si c'est fini. Penses-tu à moi dans ton lit? A-t-il le secret qui te fait gémir? Mon couloir, les gens d'un jour te voient rougir. Baby, je suis tellement désolé. Passe-moi le fond, c'est qui là? Non, non, non, joue pas le bandit. T'es juste remplaçant sa mère, me l'a bien dit. T'as la main légère, je vais t'enculer tes morts. J'ai des dossiers sur toi, fais pas le mec hardcore. Passe-moi le fond, j'ai pas fini, petit pédé. Cette femme est mienne, personne pourra t'aider. T'as beau lui avoir fait un gosse, je lui en ferai des milliers. Tu sors tout droit de prison, qu'est-ce que j'en ai à péter? Oh non, non, non, t'as un magnum, t'es un Batman. Je vais t'enculer avec le bois que ta mère m'avait prêté. Des mecs comme toi, j'en bouffe tout l'été. Kevin, arrête s'il te plaît. Sorry baby. Baby, je suis tellement désolé. Est-ce de mon face? I wine pa me dilly like a background the corner. Boom, pack a cup, yeah, the right sweet, yeah, maha. If you love the right, me turn it up like a sauna. Dress, hold up on my body and dress, set it. Broke off my back, yeah, dress, if you set it. This line I wear, no dress, set it. Hold up on my body, hold up on my body. Never on me, set it, set it, set it. Dress, if you set it, set it, set it. Roll on, set it, set it, set it. Watch out, set it. My girls are ready with your hot dress to kill. Drop it down low, twist like a power drill. Cause we hot like coal fire under a grill. Show them boys that we trill. Now you know, say we win, cause we real champions. Only God knows where we get this good, good day from. Drop it to the ground, the sexy and round. My body pump for pump, cause I deserve the crown. Broke out and wine, twist up your spine, shake your behind. Sexy girl, yeah, body perfect. Work up a sweat, man, love the way you sit. Sexy girl, boy, you know me look sweet. I could be the beat of your heart. Sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl. Walk out, call your body good up. Your man love your body, inna the area and feel good up. Bumper big, jeans have it full up. And anywhere you go, the man then give your money full up. Because you're hotter than a girl. Shape good and your belly flatter than a girl. Hurt up my head is like me need a panadol. I know your body like the you lay a bacchanal. Broke out and wine, twist up your spine. Shake your behind. Sexy girl, boy, you know me look Numéro 10 line, twist up your spine, shake your behind. Génération 9-7. Work up a sweat, man, move the way you sit. Boy, you know me look sweet, I could be the beat of your heart. Sexy gal, sexy gal, sexy gal, sexy gal, you're sexy gal. Wine up your body, you're the hottest thing alive. To all your happy, you be looking at your eyes. No other girl, no other girl, you want me chaffy, the towel, the boat, the boot back. No mask, no kick, every day to back that flow. Hey, franchement, hey Biggie, yo, hey Voletta, a toujours du bout de console, la frappe à la bomba. Parle du moment que ça ne bouge pas. La série dit mal à suite, hasta la vista. Et ça fait des paroles, Timon et Pumba. Thomas syndical, elle veut des flots pactas. Yo, calme, si nous se sont lâche-toi. Même si t'es fâché, moi je ne me cache pas. À Toulouse, pas faux, et puis mes vannes calma. Yo, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna, Hakuna. Si vous avez envie de canular, vous nous proposez la personne à piéger, 0820-203-200, c'est le cas de Lanos qui est avec nous. Ah ben, donne-nous le numéro de téléphone, un profil, et nous on écrira le scénario. D'ici là, this is her story, c'est sa story à elle. Bon, c'est vrai que ça prête à sourire quand même, hein, la manière dont tu nous racontes le sujet. Si on résume en deux mots, quatre paroles, Hugo, qu'est-ce qui arrive à Morane? Morane est avec un garçon. Et elle le voit de moins en moins en fait depuis que l'ex du gars en question a acheté une PS4 et qu'elle a domicilié, on va dire, la PS4 chez elle. Alors selon JR, visiblement c'est forcément un fake. Il y a d'autres choses qui doivent se cacher derrière. On a également le gentleman qui dit grave. Grave comme situation. Et Yasmine également qui nous rejoint du côté du standard pour réagir. Salut Yas. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Est-ce qu'il faut systématiquement se méfier d'une ex? Bien sûr. Non, faut pas systématiquement se méfier. Ça dépend de la situation. Parce que, bon, peut-être que le gars, lui, là, a juste envie de passer des moments avec son enfant. Après, la seule chose, c'est que moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de discussion avec le gars. C'est-à-dire qu'elle n'a pas mis quatre sur table. Ils ne se sont pas encore assis pour qu'ils puissent parler, pour que la puisse dire ce qu'elle ressent et tout. Moi, j'ai cette impression. Moi, je trouve qu'on oubliait aussi un petit truc aussi, forcément. Bon, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Il faut arrêter de psychoter systématiquement. On parle d'une ex à lui, une ex avec qui il passe encore beaucoup de temps, mais l'interaction paraît légitime parce qu'ils ont un enfant ensemble. Est-ce qu'on parle de l'ex de la vie de ton copain? Ça, c'est peut-être différent. Peut-être qu'il y a une ex dont il faut se méfier, c'est l'ex de la vie de quelqu'un. Tu sais, il y a une nana plus qu'une autre, ou peut-être vice-versa, hein, dans un couple, ça peut être le garçon aussi. Les nanas ont parfois un ex de leur vie, et les filles ont parfois aussi, et les mecs, pardon, aussi, parfois, une ex de leur vie. Cet ex-là, ça a été très douloureux, le couple ne s'épanouissait pas, ils ont dû interrompre leur relation, mais c'est pas pour autant que tout l'amour, en fait, qu'ils ont pu échanger ou partager a disparu. Ça, je pense que tout le monde a vécu ça, hein. Bah, on n'est pas obligé de rester proche de l'ex en question. Non, mais toi, t'es une parano. Toi, tu. Oui, je veux dire. Obligé de rester proche, mais tout le monde l'a vécu. Tu sais ce que c'est une ex pour Nessie? C'est même une fille qui a demandé une fois à son copain à sortir. Mais même s'il est jamais sorti avec elle, de toute façon, c'est une ex. Parce que déjà, ils ont été trop loin. Mais oui, mais ils n'ont pas gardé de contact. Il y a des gens qui n'assument pas le passé. Tu mais sais. Pourquoi on devrait garder un contact avec nos et ex? Et pourquoi pas, en fait? Et pourquoi on devrait... Ça dépend de comment on s'est quitté, ça dépend de comment était la relation. On n'est pas obligé de garder le contact. Qui a des contacts avec ses ex? Moi. Tous tes ex? Non, j'en ai pas avec tous. J'ai trois ex, j'en ai contact avec un seul, donc voilà. Et pourquoi celui-là? Si tu peux nous parler franchement. Parce que lui, on s'est quitté dans de meilleures conditions, voilà quoi. On ne s'est pas fâché ni quoi que ce soit. Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, on se parle, voilà, on se voit pas. Tu as regoûté à cet ex-là ou pas? Comment? Est-ce que tu as regoûté à cet ex-là? Est-ce que tu as regoûté? Est-ce que tu as recouché avec lui après que vous ayez... On remange pas au vomi. Hein. Les gens mangent ce qu'ils veulent déjà. Non mais les gars, on va pas faire les enfants. À un moment ou à un autre, il y a quand même des relations qui sont impossibles de s'épanouir parce qu'elles sont passionnelles. Je veux dire, à un moment ou à un autre, un homme et une femme sont pas forcément faits pour vivre ensemble. Ça ne veut pas dire que tout l'amour a disparu entre eux. Voilà. Maintenant, il faut savoir vivre avec ça. Il y a des gens qui par contre, de manière un peu psychotique, n'acceptent jamais que la personne avec qui ils sont ait eu une vie auparavant. Il se trouve que dans ton cas, en plus, Morane, il a pas simplement une vie auparavant, il a carrément, au-delà de ça, un vrai engagement qui le lie à cette femme tout au long de sa vie. Et moi, je vais aller encore un petit peu plus loin, Morane, quitte à peut-être un petit peu te faire du mal, c'est une hypothèse, c'est à toi de voir si elle est vérifiable ou pas. Aujourd'hui, ton ex, j'ai pas l'impression... Au-delà qu'il voit encore son ex, moi je trouve que c'est le problème, on le détourne en fait. Je trouve que ta relation avec lui ne s'épanouit pas. Si toi, t'en discutes avec nous parce que t'as pas de repères, ça veut dire qu'il ne te rassure pas assez. Peut-être que t'as besoin d'être trop rassuré, c'est certain. Hein. Mais en même temps, est-ce que c'est pas une erreur de te concentrer sur ce qui peut se passer avec son ex au lieu d'essayer de construire votre couple en fait? Voilà, de se concentrer sur la relation, voilà. Parce que, en fait... Tu sais, peut-être qu'il a vécu des choses pas faciles avec cette femme, peut-être que c'était pas facile non plus de prendre une décision de partir, peut-être même que c'est elle qui a dit non, c'est moi qui ne t'aime plus, donc il a encore quelques petits sentiments, mais il l'a encore en travers de la gorge, même s'il est adulte, il essaye de le gérer, il y a peut-être de la frustration, et ça par contre, ça peut être un vrai frein pour que ta relation avec lui s'épanouisse. Maintenant, si tu fais pas les efforts qu'il faut, à un moment ou à un autre, pour mériter ce que tu veux avoir, comment peux-tu te plaindre de ne pas l'obtenir, en fait? Hein, Morane? Mais dans la mesure où, que dès le début, que tu me présentes, qu'on sort avec ton fils, comme je te disais, ou ta fille, et qu'on voyageait avec, toi, tu te dis, je vois pas pourquoi, à l'heure actuelle, là, ça devrait changer. Pourquoi à l'heure actuelle, c'est toi qui vas voir? Pourquoi à l'heure actuelle, tu n'emmènes pas à la... Alors, il y a peut-être une autre interaction qui s'est passée entre-temps, Morane. C'est-à-dire qu'entre-temps, ça a changé, c'est ça? Mais oui, je vous ai dit ça dès le début, je vois pas pourquoi dès maintenant là. Alors il y a un autre truc, il y a le fait que ton ex, éventuellement, tu vois, il sait pas comment gérer cette situation, il a voulu t'impliquer dans la vie de son fils. Peut-être que la maman, et ça existe aussi dans ce sens-là, et c'est peut-être dans ce sens-là où je rejoins un peu Nessie, où il faut toujours se méfier un peu de l'ex, parce que, tu sais... Il y a des chantages affectifs en fait. À un moment ou à un autre, si ça se trouve, elle a peut-être pas envie de partager avec une autre maman, même de substitution, son enfant. Et peut-être qu'elle lui a fait la remarque. Peut-être qu'elle lui a fait la remarque et peut-être que ça verrouille un certain nombre de choses. Imagine-toi, ton mec est un peu paumé là, dans cette situation. Il est un peu paumé avec une femme avec qui il a un enfant. Il a donc un engagement à vie, envie quand même de continuer à vivre. Ça se trouve, il y a certains trucs quand même qui se passent bien, même si quand on t'a posé la question, t'as été incapable de nous répondre. Et il est là partagé. Et à un moment, ils doivent se sentir loyal envers l'une et l'autre pour essayer de continuer à vivre. C'est pas jouer sur les deux tableaux, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, tu vois. C'est vrai qu'il y a des ex, des femmes et parfois des hommes aussi qui sont imbuvables, qui te font du chantage, qui il y a des mamans qui n'acceptent pas du tout qu'une belle-mère rentre dans la vie de leur enfant. Je suis totalement d'accord avec toi, dans la mesure où si tu ne veux pas que une femme rentre dans la vie de ton fils, tu ne devrais pas non plus apporter un autre homme dans la vie de ton fils. Ça va dans les deux sens. À ce moment-là, il faut être loyal avec toi-même. Toi, c'est le tenu. Ouais. Est-ce que toi, c'est le tenu? Dans ces deux cas-là, il faut être loyal avec toi-même. Ouais. C'est tout. Dans cela-là, si tu ne veux pas que je rentre dans la vie de ton fils, donc toi non plus, tu ne dois pas imposer à ton fils ou à ta fille que tu es un beau père. Toi, c'est le tenu. Je ne comprends pas là. Ah, mais tu sais déjà comment l'être humain fonctionne. Qui lui passe pas. T'as dit quoi, Yass? Après, peut-être que c'est la tête de Morane qui lui passe pas. Elle veut simplement pas que Morane, elle rentre dans la vie de son fils. Mais est-ce qu'elle acceptera quelqu'un? Est-ce qu'elle va accepter une autre fille? Est-ce qu'elle acceptera un jour quelqu'un d'autre que Morane? Non, il y a des filles comme ça, elle n'accepte personne dans la vie de leur... Il y a des filles comme ça. Donc après, voilà, peut-être qu'elle n'a juste pas envie que tu rentres dans la vie de son fils. Et c'est tout. Peut-être que c'est pour ça aussi que le gars, depuis quelques temps, c'est lui qui va voir l'enfant et que l'enfant ne vient plus. Donc tu ne vois plus l'enfant. Mais c'est le mec qui doit s'imposer, hein. Je sais pas si c'est le mec. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il y a quand même deux personnes qui ont, qui, enfin, je sais pas si c'est le plus le rôle ou le job de l'un des deux. Je sais pas si c'est le rôle de l'un des deux. À un moment ou à un autre, c'est vrai qu'il a quand même un job qui est celui de te rassurer s'il a envie de continuer avec toi. Là, moi, je pense qu'il est vraiment dans une période où il est perdu. On a des réactions qui arrivent du côté du standard. On a Rosie qui débarque. Bonsoir, Rosie. Rosie. Bonsoir. Salut, Rosie. Rosie. Bonsoir. T'appelles d'où? De la Guyane. Yes, on t'écoute, Miss. Bon, écoute, je suis d'accord avec la meuf, parce que déjà, un, le gars, il a pas se fourré chez son ex pour jouer PS4. S'il veut voir ses enfants, il a qu'à aller prendre les enfants et puis sortir avec, il faut se promener. Mais tu vois, voilà, ça c'est un avis de profane, tu te rends pas compte en fait. Une PS4, c'est quand même la meilleure console du marché, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ça pèse lourd dans la balance. Il peut l'acheter, non, il l'achète, il met chez sa copine et puis il joue quand il veut, il est pas obligé d'aller chez son ex pour jouer à la... Mais chez son ex, ça se trouve, elle a peut-être un plus grand écran. Mais il l'achète aussi, il met chez lui, il regarde avec sa copine, il joue avec sa copine et tout, il va pas aller se fourrer chez son ex, juste par peut-être, et oui, il va jouer, quoi. Sur le web, il y a Malika qui conseille à Morane d'acheter une PS5 pour le récupérer. Mais elle est pas encore sortie en fait. Non, elle n'est pas sortie encore. Mais il y a une nouvelle PS4 qui va sortir, 4K. Ouais, voilà. Et puis il t'achète l'écran 4K en même temps. Bon, ça va te coûter. Tu veux récupérer ton mec, vas-y, investis un peu. Quoi. Voilà, ça, 2 500 € ton mec. Voilà. Non, mais évidemment que c'est une excuse. Évidemment, peut-être que c'est pas simple aussi ce qu'il vit, parce qu'on est là en train d'effectivement d'être sensible à ta situation, toi, Morane. Mais en même temps, imagine-toi. Enfin, moi je pense qu'un enfant c'est un sacré engagement, hein. C'est un putain d'engagement, quoi. Et à un moment ou à un autre, cette femme, moi je connais beaucoup de papas par exemple qui sont séparés en fait de leur ex et qui ont un enfant avec cet ex et qui sont dans la configuration où ils veulent pas ni énerver la nana parce qu'ils ont peur de perdre cette espèce de droit de visite. Tu sais, il y a plein de chantages en fait, impossibles et imaginables. Je dis pas que c'est bien, mais ça existe. Tu vois, ça existe, des gens qui se retrouvent avec une nana qui est tellement fâchée et dit imagine-toi, elle peut essayer à un moment ou à un autre de démontrer que toi t'as une mauvaise influence sur son fils, elle culpabilise le papa, le mec il peut pas. Et en fait, moi, ce qui m'interpelle le plus, je trouve que vous êtes toujours en train de dire il faut se méfier des ex parce que ça se trouve on peut recoucher avec. Vous vous rendez pas compte, faut se méfier d'une ex parce que parfois elle n'a pas du tout envie que tu te reconstruises après elle. C'est très différent. C'est super différent. Ah ouais, je veux être ta dernière, même si je suis pas avec toi. Tu sais qu'il y a une théorie sur ça qui dit qu'en fait les garçons cherchent toujours à être le premier d'une nana dans la relation et que la femme cherche toujours à être la dernière que tu as aimée dans la relation que tu as pu avoir avec elle et dans toute ta vie. Donc après, on n'a pas forcément les mêmes manières ou les mêmes façons en fait d'arriver à nos fins, mais c'est terriblement égoïste, c'est pas cool, parce qu'à un moment ou à un autre, moi je pense que quand deux personnes se séparent, je trouve que c'est une bonne décision parfois, s'ils arrivent tous les deux à reconstruire leur vie et à être heureux. Parce que s'ils sont chacun de leur côté heureux, ils vont donner le meilleur à l'enfant. Si par contre, il y en a qu'un ou qu'une qui profite de cette situation, bah l'autre va manger son pain dur, quoi. Moi je pense que c'est une erreur. On va faire un enfant pour garder un mec. C'est une connerie. Ouais, elle a raison. Non, mais j'ai pas dit. Il faut parler bien. J'ai jamais dit ça. J'ai dit si c'est pour tout le monde, ça fait un riche. Si c'est pour faire un riche, on nous arrête tout bas et contre un seul, c'est en histoire. C'est ça. Si c'est ça la cause de l'enfant soi-disant qui veut faire être au milieu de ça, si c'est pour ça, on nous fait à nous. Et puis voilà, ben ok. Toi, tu veux comment ça? Franchement, moi, tu sais, quel conseil que je pourrais te donner, c'est de prendre ton mec à part et de lui parler, de mettre pour que ça rentre bien dans son crâne, que voilà, quoi. Il peut voir ses enfants, ça se sert, tu peux pas l'interdire de voir ses enfants, ça se plaint. Mais le fait que, ouais, il passe du temps chez son ex, ton soi-disant jouer là, c'est du n'importe quoi. De toute manière, on peut continuer à spéculer sur la question toute la soirée. Tant que tu n'auras pas discuté avec ton gars, oui, comme ce que tu es censé faire étant en couple avec lui et vivant avec lui, voilà, tu resteras au même point mort. C'est clair. Non, la question, c'est pas que je n'ai pas discuté. Je vous ai dit, il faut bien écouter ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que je l'ai bien parlé. Je l'ai dit, soit tu avales ce que je te dis, soit tu me reclash. Soit tu veux comprendre, soit tu l'avales, soit tu me reclash, c'est tout. Mais je te trouve un peu blip pour un mec qui est partagé, quoi. Je veux dire, ça existe. T'as déjà été partagé dans ta vie. Pas partagé simplement par le fait de retourner avec son ex, c'est peut-être pas ça qui l'intéresse, parce que sinon, il y serait déjà, ouais, tu vois. Il est peut-être partagé par le fait de pas créer de remous autour de l'éducation de son fils et en même temps d'avoir envie de d'une partie un peu plus personnelle qui le concerne, c'est-à-dire ce qu'il est peut-être en train d'essayer de construire avec toi. Alors, c'est toi, c'est en fonction de ta patience, mais je rejoins Lilou sur le fait que j'ai l'impression que vos conversations ne mènent pas quelque part, en fait. Ouais. Par contre, il faut surtout pas te prendre la tête avec lui à répétition sur le même sujet, parce que tu vas le pousser dehors. Ouais. Si tu fais ça. La porte l'a déjà ouverte. Non mais ça c'est ce que tu dis et c'est pas ce que tu es prête. Parce que c'est pas ce que tu es prête à vivre, parce que la preuve en est, tu poses la question à haute voix. Ça veut dire que tu as pas pris de décision. Et ça veut dire que quelque part tu attends peut-être d'un indice extérieur qu'il te permette de prendre une décision. C'est-à-dire que tu attends de pouvoir le coller en flagrant délit, tu attends de pouvoir avoir la certitude que effectivement ce qu'il te dit, c'est pas que pour son enfant. Ce qu'il te dit, c'est aussi pour se rapprocher de son ex, parce que probablement il l'aime encore. T'attends finalement qu'on prenne la décision à ta place, Morane. Non, pas du tout. Ma décision, elle est ok, hein, pour moi là, actuellement. Tu veux rajouter? Ouais. Pardon? Vas-y. Non, c'est bon, tu m'as coupé dans mon élan. Ah bah écoute, bouge pas, j'en profite pour relayer un tweet. On a Stéphane qui envoie: les ex, c'est comme la prison, si tu y retournes, c'est que tu n'as rien compris. Ça fait rire Rosie en tout cas. Mais c'est vrai. Alors il y en a une autre tout à l'heure là, c'est Nessie, elle a dit: on ravale pas son vomi. Ah oui. Tu sais, on grandit, on évolue, hein. Moi j'ai déjà vu des gens se remettre ensemble des années après, parce que ça leur a fait du bien, ils ont évolué et que au moment, à l'instant T, ils étaient pas bien ensemble et c'était la meilleure décision. Alors si c'était un super repas, c'est moche. Non, bah, par tu contre, restes avec alors. Pourquoi se séparer? Parce qu'il y a des moments où t'es pas prêt. Ouais. Oui, alors il y a des circonstances. Il y a des circonstances où effectivement on peut se remettre ensemble, mais en général les ex, voilà. Oui, en général tu les quittes pour une bonne raison. Non mais la vérité c'est que sur l'ensemble de tes ex dans toute ta vie, il y en a peut-être un qui compte beaucoup plus ou une qui compte beaucoup plus que les autres. C'est certain. Ce qu'on appelle l'ex de ta vie. Après, là pour l'instant, clairement on parle d'une femme qui a un enfant avec lui. Pour l'instant, qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, ou qu'il l'aime plus, qu'il la déteste, aujourd'hui le fait qu'il ait un enfant avec elle, ça fait d'elle l'ex de sa vie. Et ça malheureusement, c'est à toi de savoir si t'es capable de dealer avec ça. En fait, de pouvoir t'en accommoder. Rosie, tu veux rajouter quelque chose, Miss? Ben, oui, moi j'ai une question. Vas-y. Ce n'est pas la rentrée là? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas. Est-ce qu'on est là? La rentrée a commencé là, oui ou non? Oui. C'est la rentrée, oui ou non? Oui. Oui, c'est bien à toi et moi. Il y a quand même moi. Ouais. Donc là, dans la mesure où c'est la rentrée, je ne vois pas qu'est-ce que tu vas faire tous les jours chez la masse. Ah, mais maintenant il va falloir le faire travailler. Il va falloir le faire travailler le soir maintenant. Il y a Princesse Mayou qui dit qu'à force d'imaginer des choses, tu peux peut-être les provoquer. Fais attention à ce que tu penses. À un moment ou à un autre, faut pas non plus que tu lui fasses payer un truc avec lequel il n'arrive pas à s'accommoder. C'est compliqué pour lui. Moi, je sais pas, je pense que justement dans l'amour, après, je te dis pas dans la bêtise ou dans la naïveté, mais je pense que dans l'amour, si ce mec, tu y tiens un petit peu, faudrait que tu sois légèrement plus indulgente. Ça veut pas dire le laisser aller faire. Ça veut dire simplement essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et quand tu te tournes vers nous alors qu'on ne le connaît pas, on se dit à un moment ou à un autre, tu cherches de la force pour prendre une décision, parce qu'à un moment ou à un autre, tu es un petit peu comme tout le monde à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu sais pas forcément où situer le respect. Et pour toi, dès que quelqu'un ne va pas dans ton sens, c'est te dérespecter. Il va peut-être dans le sens de quelqu'un qui est très important dans sa vie, qui est celui de son fils. Je suis d'accord, je le défends. Peut-être que t'as l'impression que je prends son parti. Je prends pas son parti, il est absent, je le connais pas. Ok? Mais peut-être que tu vas trop vite en conclusion. Ça fait combien de temps que ça dure, cette situation-là? Hein, Mourane? Combien de temps? Trois mois. Ouais, pendant les vacances, quoi. Ça va peut-être se résorber, ça va peut-être se calmer, je sais pas. Peut-être que tu as plus la patience, en fait, surtout. Tu as dit qu'elle avait refait sa vie, la mère. Ben oui. Pourquoi tu n'aurais pas une conversation avec... Pourquoi tu n'aurais pas une conversation, justement, avec le mec de la... Mais c'est quoi ton délire? Moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais pourquoi faire? Ça, c'est toute la merde. Mais pourquoi faire? Je lui aurais demandé, ça te gêne pas, toi, qu'il soit là tout le temps, mon gars? Mais donc, c'est ça, en mode manipulatrice, en mode Gabrielle Solis. Ça va te retomber. Tu sais, en mode Inception, la meuf, elle arrive, elle te met... Attention, elle t'insuffle une idée au quatrième degré. À toi d'essayer de... Comme ça, c'est pas elle qui a foutu la merde si le couple explose. Non, c'est pas une bonne idée. La seule personne avec qui tu dois avoir une conversation, c'est ton mec. Avec ton gars. C'est clairement ton mec. C'est vraiment là. Tu lui donnes une idée pourrie comme ça. Tout à l'heure, il va se passer quoi? L'ex va plaquer le gars parce que le gars serait énervé et puis elle est libou. Non, mais de toute façon, quand tu t'en moques, quand tu t'en mêles un peu trop, quand tu provoques un peu trop les choses, de toute façon, ça ne se passe pas forcément comme tu l'as prévu. Par contre, ce que tu peux faire en sous-marin, c'est quand tu le vois. Hypocrisie. Attends, la sournoiserie, le macabrisme. Tout simplement, tu demandes à ton mec s'il a apprécié le moment qu'il a passé avec son fils. Tu essaies de t'intégrer dans ces moments-là sans être trop intrusive. Et puis peut-être que tu en sauras un petit peu plus déjà. Déjà, le fait qu'il te parle de ces moments privilégiés. La technique du caméléon, tu te fonds dans le décor. Absolument. Yasmine, tu voulais rajouter quelque chose, Miss? Yas, tu veux rajouter quelque chose, Miss? Non, je veux juste lui faire comprendre que ça sert à rien d'appeler de voilà. Et comme tu dis, nous on connaît pas le gars, il faut juste lui parler et voilà, et Lilou elle a raison. Il faut qu'elle cherche à s'intégrer, à créer une complicité avec le gars. Parce que moi j'ai l'impression qu'elle sait pas ce qu'elle vit avec le gars. Ouais, elle sait pas déjà où elle en est dans sa propre relation. Avant même de se demander qu'est-ce qu'il en est ailleurs, faut commencer par soi. Elle s'occupe plus de ce qui se passe entre le gars et son ex plutôt que de ce qui se passe entre le gars et elle. Ouais. Après bon, voilà, c'est mon ex. Merci beaucoup en tout cas Yas, des bisous. 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. Rosie, un petit truc à rajouter ou pas, Miss? Non, pas grand chose, hein. Juste de dire courage et puis de pas trop se prendre la tête, juste de prendre notre temps et puis de bien parler avec son boug et puis voilà. Hein. Ouais, après, franchement, honnêtement, même si ton mec, je veux dire, c'était le pire des cocoteurs, tous les soirs, quand même, ça me paraît peu probable. Il y a quand même un enfant, la nana refait sa vie. Nous, les cocoteurs, on les connaît, hein, tu sais, les cocoteurs, on les fréquente. Il y a Hugo, il fait tous les sites de rencontres pour essayer de chauffer les uns les autres. Tout à l'heure, d'ailleurs, on en chauffera un autre. Il s'appelle comment, celui qu'on appelle ce soir? Il s'appelle... Zandoli, non? Ouais, un truc comme ça. Mabouya ou Zandoli, un truc comme ça. On l'appelle tout à l'heure, on a son numéro de téléphone. Vous aussi, vous nous faites péter les numéros de téléphone si vous avez envie que ça bascule en canular. Bouge pas, Morane. On a quelques réactions également sur le web et voir s'il y a d'autres réactions qui débarquent au standard Trace FM. D'ici là, c'est Tichou qui reprend le contrôle. Côté Zik, derrière les platines, on va démarrer par un petit Deoro avec Bailar et on revient juste après dans la Trace Radio. FM. En ce moment, Trace FM te sape pour la rentrée. Cette semaine, ta radio t'offre ta paire de Nike Air Max. Ta paire de Nike Air Max. Toute la journée, dès que tu entends ça. À la suite. Appelle-nous au 0820-203-200. Lance la trace roulette et repars avec ta paire de baskets Nike Air Max au pied. Plus d'infos, trace.fm. Envie d'un nouveau smartphone. Et du bon son qui cartonne. Alors abonne-toi tout bonnement. A une offre d'enfer. Le forfait ça fait bailler c'est faire. T'as qu'à choper ton Alcatel Pixie 4, écran 5 pouces. Il est offert et pour 1€ de plus t'auras l'enceinte Bluetooth, la célèbre Disco 4. Forfait ça fait bailler c'est faire. C'est l'éclate.

pions à quoi aller, ça pas vaut le coup. Guys ont allé, les gars, ça pas vaut le coup. Fais mon confiance, ça pas qu'à vaut le coup. Y'a aucun qui suive mon côté tout doux. H24, c'est bloc la chérie doudou. Un cassement qu'on paquette, c'est fini coup. H24, c'est bloc la chérie doudou. Un cassement qu'on paquette, c'est fini coup. On paquette l'argent, V, alors il faut en faille. Un nion mauvais jamin, y'a qui mettait en faille. Vodka, NSI, différents bouteilles. Y'a qui ne s'est faux là, qui pas ni droit bray. Un effet, non, non, ou popote, nous j'adjati, ou fait en faute, famille, y'a ok, un day. Dis les drogues non-stop, un visé l'oseille. Un visé l'oseille, un paquet visé conseil. On paquette traite qui guada, qui y'a bala. Y'a toujours pas autant pour mettre au dans l'embala. Confiance en moi, allez là, il finira. C'est over là, yo, vite qu'on le Sahara. On vend des putes, on vend des scélérats. Boum, boum, boum, Antonio Bandera. Confirme ma maman qui vivra, verra. Voici de la rue. Zebla, il faut négue, un j'a défoncé. Un j'a défoncé, un j'a défoncé. Suite la inouïe, il n'y a aucun les foncé. Aucun les foncé. En rien à foutre, amis de 16 ans qu'à penser. Y'a qu'une de l'argent qui est un bisou causé. Évêque est panique, on question à poser. On question à poser. Évêque est doc panique, question à poser. Produit en nous, il toujours dosé. Berger Brix, négue, nous toujours qu'à oser. En j'abré, on paquet Nicolas Feuillat. Zami, famille, on qu'a frôlé la nausée. En échec, on des salopes à si gosier. Quand tu vois, il a le temps qui est imposé. Canon la scie, qui juxtapose. Qui j'en ouvre, gagne. Nos questions à poser. Si nous t'y pédé, essayez pas aller. En détail, ça qui n'a que ça qui a explosé. En paquet, ça fait des quand t'y chose. En fin, venez money pour ça, en cas osé. Quand t'y chien qu'on est, depuis un mille. Non, t'y pas d'or à tes chalis, en cas casse. Don't you open up that window. Don't you let up that antidote. Low-key at the night show. So don't you open up that window. Don't you let out the antidote. Yeah, party on a Sunday. Do it all again on Monday. Spend the check on a weekend. I might do it all again. Yeah. I just hit a three. Yeah. 9-7. Cut it, cut it, cut it, cut it, cut it, cut it, cut it, cut it. Them bricks is way too high, you need to cut it. Your price is way too high, you need to cut it. Cut it, cut it, cut it, cut it, cut it, cut it, cut it, cut it, cut it, cut it. Them bricks is way too high, you need to cut it. Is way too high, you need to cut it. Running through bands on a regular. Hitting my plug on a celly. Tell my ex bitch that I'm sorry. My bad. I'ma skate off in a Rara. Key 36 by my side. I'ma go bake me a pie. Key 45 on my side. Call me on my side. All of my niggas say blood. All of my niggas say cub. OT, I found me a plug. I got it straight out the mug. Keep it 100, no books. I fell in love with the drugs. Bustin' it down in the tub. Girls come call me on my side. Soir dans Génération 97, notre DJ attribué, notre DJ officiel, vous réclamez vos sons. Real Mix and Real Talk et aussi Real Delia avec si vous voulez piéger quelqu'un à travers un canular, pas de problème. Sinon on s'en charge, on a la hotline du cocoteur qui débarque dans un petit instant, les traceurs. Somebody say Oula. Le soir, tu peux tout nous dire, tu peux tout nous dire. CFM, Génération 97. Génération 97. C'est fait pour toi. Dans un petit instant, nous allons appeler en direct un certain Zandoli. Hugo le chauffe depuis tout à l'heure. Il s'absente de temps en temps. Il lui parle un petit peu hors antenne, machin, etc. Hugo a été jusqu'à se créer un profil en fait sur les sites de rencontres. Et sans langue de bois, sans savoir qui passe à la radio, qu'est-ce qui se lâche les mecs quand même. Là, je suis en train de m'occuper d'une petite Asiate. Il y a des trucs très bizarres qui se passent sur les sites de rencontres. Je dis ça, je dis rien. Mais Hugo, quand même, quelle performance d'acteur. Dans un petit instant, un appel sur la hotline des cocoteurs. On appellera Zandoli 0820 203 200 #G97 #TraceFM. Bonsoir à Krakinette aussi qui est avec nous sur le web. Salut Juice. Bonsoir Loulouche. Évanoui. Tous ceux qui sont avec nous, #G97, #TraceFM. Melika et Christy. Yes, on va jouer au Big Quiz. Ladies and gentlemen. Yeah. Here comes the best game all over the world. And I really love this game. On a des cadeaux à vous offrir dans le Big Quiz. Le Big Quiz. The Big Quiz, baby. On accueille... Talia. Bonsoir Talia. Talia. Salut Talia, bienvenue. Coucou. En direct. Deuxième candidat. Tyrone. Hey, Tyrone fait sa rentrée dans Génération 97. Salut Tyrone. Tyrone. Ça va? Ça va. Et enfin, dernier candidat, il s'agit de Matt. Matt. J'ai fourni les pop-on girls. Hein. Ah ouais, on sent que t'as fait ça toute ta vie, pom-pom girl. Hein. Talia, Tyrone, Matt, vous connaissez les règles du jeu. Votre prénom pour prendre la main. On n'accepte aucune réponse sans prénom juste avant. Il y a un certain nombre de points à accumuler tout au long de la partie. Le meilleur d'entre vous repartira avec les cadeaux. Voici la first question. The first question. Où se trouve le fleuve jaune? En Guyane, au Japon ou en Chine? Tyrone. Au Japon. Mauvaise réponse. Tyrone encore? En Chine. Oui, c'est la Chine. Premier point pour Tyrone. Yes. Et on enchaîne sur la second question. Second question. Quel chanteur jamaïcain a chanté aux côtés de Beyoncé? Vibes Cartel, Sean Paul ou Mavado? Talia, on t'écoute. Sean Paul. Oui, c'est la bonne réponse. Bien joué. Yes. Matt. Oui. Tu peux arrêter de respirer fort comme ça dans le téléphone de la personne. Mais arrête, tu fais le gars se sentir exclu. Les asthmatiques ont le droit de jouer aussi, mec. Eh ben alors, monsieur, un petit souffle dans le... Ben alors, il a le droit de respirer. Le mec, il travaille sa respiration. Je ne comprends pas. Mais oui. Je ne comprends pas. Ça fait peur aux gens. Ben oui. Bon, je te l'accorde, mais n'empêche que... Non, pas de discrimination, s'il te plaît, dans l'émission. On y va pour la question locale. Qui dit question locale? Dit jingle. Local. Martinique, Guadeloupe, Guyane. C'est la question locale. Si, et moi. Tu veux mon zizi? Oui. Tu veux mon zizi? Oui. On y va pour la question locale. La plage de Caravelle, elle se trouve à Sainte-Anne en Martinique, à Sainte-Anne en Guadeloupe ou à Saint-Élie en Guyane? Tyrone. En Martinique. Une mauvaise réponse. Tyrone encore? La troisième. Mauvaise réponse. Talia. À Sainte-Anne en Martinique. Mauvaise réponse. Tyrone. La deuxième. Oui, à Sainte-Anne en Guadeloupe. Oui, la plage de la Caravelle, c'est la plage du Club Med. Bah oui. Bon, t'es pas censé forcément le savoir si tu n'as jamais quitté ni la Martinique ni la Guyane. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. C'est méchant, ça. Deux points pour Tyrone. Ça lui en fait trois au total. Un pour Talia et zéro pour Matt. Attention, on avance dans le Big Quiz. Voici la fourth question. La question qui te fait postionner et repartira avec Flippant. La ratatouille, c'est une spécialité culinaire marseillaise, niçoise ou parisienne? Tyrone. La deuxième. Niçoise, c'est une bonne réponse. Bien joué. Ok, jusque là, tout va bien. Yeah. Alors, on en arrive à la final question. Qui dit final question dit tout de suite, évidemment, le suspense insupportable. Et la musique qui fait peur. Et c'est une mort subite. Attention, peu importe le nombre de points que vous avez accumulés depuis le début de la partie, rien n'est perdu. Si vous répondez correctement à cette question, vous gagnez le Big Quiz. Here come the final question. The final question. La question derrière laquelle il n'y en a pas d'autre. Et qui peut te faire repartir avec la victoire. On y va, c'est parti, on inspire. J'entends pas votre respiration, les amis. On expire, soufflez l'air de vos poumons, gonfle les tétés Talia. Tyrone, toi aussi, on sait que t'en as. Et vous coupez la respiration, vous ne reprenez pas votre souffle avant d'avoir répondu à la question. On y va pour la final question. Final question. Quel groupe a chanté la chanson Maldonne? Kassav, Expérience 7 ou Zouk Machine? Tyrone. Talia. Non, yeah. C'est Matt d'abord. Vas-y Matt. Kassav. Mauvaise réponse. Tyrone. Tyrone. La 2. Mauvaise réponse. Talia, on t'écoute. La troisième réponse. Oui, c'est Souk Machine. En fait, en même temps, elle se risque pas à dire le nom du groupe, elle le connaît pas. Vous voyez pas quelle chanson c'est, mais elle donne, les gars. Maman, j'ai gagné quelque chose. Dans ma vie, tu vas être fier de moi. Moi qui te ramène jamais le tableau d'honneur. Ça vous dit rien, Maldon? Maldon, c'est ça, c'est cette chanson-là, là. Attends, attends. Ben oui. Bon, c'est très ancien, mais ouais. ça a été classé pendant des années numéro 1 de tous les baptêmes, de toutes les communions. Ça a été repris aussi par Fanny. Oui. Ah oui, exact, ouais. Fanny a repris ça. J'avais oublié cet épisode-là. Je te rassure, on le passe encore au mariage. Ah! Et moi comme ça, j'ai du mal. Pas fait moins. Victoire de la Miss qui s'appelle Talia. Bravo, Talia. Félicitations. Tu repars avec les cadeaux, Talia, tu bouges pas, tu raccroches pas. Avec quelle radio vous vous couchez tous les soirs, les amis? SFM. Ouais, ça. Le temps d'un petit warped avec Last Love. Maman, le temps de... C'est le temps que l'information monte au cerveau. Comment a-t-elle pu faire pour gagner le Big Quiz? On se demande. On va s'écouter un petit warped avec Last Love. On t'a demandé du Ken Jones aussi dans la session. Tu démarres par ce que tu veux, mais on revient surtout après avec la hotline du cocoteur. Il chauffe depuis tout à l'heure un certain Zandoli. Ouais. Et Zandoli en chaleur. Zandoli en chaleur, c'est le pseudo du mec. Sur quel site de rencontre? Ah, on a le droit de dire. Ouais, tu peux dire. C'est en coco, c'est pour ça que c'est un cocoteur. On l'appelle dans un petit instant direct. Reste avec nous, Mala Guadayana, d'ici là, le mix prend le contrôle de la Trace Radio. Astro Dreams Production. Skolipovic. Non mais comprends-moi. J'en ai marre, c'est toujours la même chose. Ça me saoule, j'en peux plus là, j'en peux plus. Non doudou, ni vous ni moi, pas y'a dans ça, tout ça, que nous t'aimons tout. En faire la peine, nous faire plaisir, en faire souffrir, bref, nous déchirer. Tijo Sound, ambiance, Trace FM. Mais c'est au qui en germe, joli jour, en pas moins sans vous. Nous déchirer, nous casser, nous t'aimer, nous ensemble, c'était pour toujours. Passer l'année galère, péripétie, et pourtant, forme un seul coup. Pour décider qu'elle est aimée tout seul. Jalousie, amour, n'est pas mauvais conseil. Fait qu'un bras en dos doit chercher confort. Mais non, doudou. Ni vous ni moi, pas y'a dans ça, tout ça, que nous t'aimons. En faire la peine, nous faire pleurer, en faire souffrir, bref, nous déchirer. Mais c'est eux qui entrent en moi. Telling me that you say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, génération 97. mwen kay titin ravin fon gato Mwen ka mache tranquila mwen pon kay titin ravin fon gato Mwen kwen misi sa mi la gachete mwen pa konpou te fay vale Mwen ki sa ki ka pase ba mwen touche la mwen mayna DJ DJ Permis c'est KPN, trouver money c'est KPN, trouver voici c'est KPN, vive la vie c'est KPN, KPN, KPN, KPN, KPN, KPN, y'a qui KPN. Moi dis faut coquer pour n'y pas attendre en ville à pourri. Ouvrez ça, ouvrez sinon c'est quand t'es quitté, quitté. Chez toi de toute façon. Si je sors derrière les platines et la génération 97 livre tous les soirs Mada Guadayana 0822 130 200, d'où que t'appelles pour faire du canular, délirer avec nous, parler sérieux ou éventuellement jouer. Pas de problème, t'es le bienvenu dans la libre antenne des auditeurs. Sauvage. Il a pas envie de s'arrêter. Et le mec, le connard qui rend, tu sais, qui gâche la rentrée. La rentrée. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Le soir, tout est permis dans Génération 97 sur Trace FM. J'ai l'impression que WhatsApp a fait une rentrée très particulière, hein, vraiment. Il y a tout et n'importe quoi qui se dit sur WhatsApp. Il y a des gens qui sont à la recherche de la sensation ou du sensationnalisme, je sais pas. Ils balancent des photos, parfois qui n'ont rien à voir. Il y a des audios qui donnent l'impression que c'est vrai. Pour tourner le coup à toutes les rumeurs, on va vous dire ce qui est de l'info, ce qui est de l'intox. Pareil, il y a une photo là qui circule depuis quelques temps là. C'est quoi ? C'est une nana qui se serait fait régler par son mec, par c'est son ça mec, ouais. Ça se passe où, soi-disant ? On dit que c'est à Pointe-à-Pitre. Ouais, bien sûr, devant évidemment. Devant le tribunal. Pointe-à-Pitre, là, c'est en top tweet, quoi. Quoi qu'il arrive, top tweet sur Pointe-à-Pitre, tout. C'est les pires mots du monde, c'est Pointe-à-Pitre. L'enfer, c'est Pointe-à-Pitre. Dans un petit instant, on tourne le coup à la rumeur. On a été chercher la vraie information. Hashtag G97, hashtag TraceFM. D'ici là, on va rigoler un petit coup. On fait la hotline du cocoteur. On appelle les petits cochons qui...

Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. 0820 203 200. Merde. 0820 203 200. Bah si, c'est ça. Génération 97. Ta radio va péter un câble. Celtic Cavie, but c'est nice, it's cool, it's sweet, un princess. N'aime pas boutiser, parce que sa femme qu'on lit, but c'est ni en l'ocité. Fais tout ça, yo, paye, au fait, bac, belle auto, exposé, signe des richesses. Mais toi, là, pas materialiste, non, non, non, non, non. She is a queen, yeah. My queen. Menye ou si yon not planet. Ou ou fe mwen cheya ou confiansa. Ou confie mwen les manettes. Mwen ka promet vous d'être honnête. Chante ba ou baby, koukou ga honnête. Hey yo ta ni, nou ke disparet. Ou mwen la mani a program. Ou ten si mide, pati na yon ta bas. Man, me love so. Ah, everything nice, I'm not dying in Colombia. Bad girl cafe, my plan is for amnesia. Money in a billion, guapa. On me fly, señorita. C'est tant à la, on me move in. Laissez-moi soigner me au music. Moi c'est un artiste, moi qui bat un volé rime. Mène au Medellin, girl. Moi quoi qu'un animal qu'on fait Eline. Est-ce que j'ai ici la ligne? Tu n'y fais tout stress sans aller pour l'île. Toutes copines ont déjà dit ou faut qu'on follow him. Girl follow me, mais madame belle me. Ça looking fly with my friend on them. Smile on my face, so sweet like a cinnamon. Boys wanna spend Franklin like Mr. Benjamin. I'm Generation why of Let's get on, miss it. Trust me, not my gentleman. You're pussy, no. You know why I'm be my friend, nothing. True of you, you're sexy, but that's irrelevant. We get y'all easy. I bet you want to run, tell him this. That you want me be your girlfriend. You say you just want be my friend. Petit jour, ça, on a ambiance, ça, c'est FM. Step into the dance, I'm a spotlight president. Security on me like the president. For I see, follow me, cause I represent the girls. Boys wanna undress. Yeah, boy, I know the same games you play. And through your heart, you get wicked from where they are. Girl, they call you so it's a tactic this year. And they might I should serve you, yeah, but if it's it, no me no see on top. See, we not get it back up for me, some passy potable. We may only ask the good to be oriental. Me bad guys, they on YouTube, let's see what they want. No, Vanessa, coupé comme un homme. Mais à tes fesses, on laisse le soir, c'est sur ton boy. Ça chante, ça danse et puis ça boit. Quand t'as moué, we feel so good. Ceux qui ne nous aiment pas, qu'on connaît, ils sont toujours à boire. Chantez comme si James Brown. James Brown. James Brown. Chantez comme si James Brown. FM. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. J'y repars l'or, j'avalerai pas leurs couleurs. Faut que les matins Napoléon, j'préfère rouler ma bain. J'suis marié à la street, la vie est plus belle à deux. DKR m'a dit Nina, y'a R. Mon négro, y'a nous et y'a eux. Arrissime comme un négro oscarisé. J'vais les traumatiser, dans la tête, lumière tamisée. J'arrive à viser, prends mes bracelets gris métallisés. Lyrics majeurs, public avisé. Laisse les tapiner, sous tout validé. Y'a qu'à Disney que les races sont animées. Tout est noir dans mon calumet. Rafale de AK pour l'allumer. Oh, why them? Them cat est we nana. Them cat est we nana. Oh, why them? Them cat est we nana. Big bad DJ. Faut pas moller la mouka flasque, mon girl. Faut juste savoir qu'il y a le car around the world. Faut pas moller la mouka flasque, mon girl. Caribbean girl, I don't call out the world. Fresh, quand t'as mains un peu. Bad girl, cabayo mal dead. Tis qu'à mal parler, mais nous pièces pour l'aïe. Et si y'a des suspects, qu'on représente girl. Y'a mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, moi toujours on point. La mobilité que mon gang est biché on point. Caribbean girl, I don't call around the town. Chaque côté, mon passé, moi toujours gangster. Y'a ça qui a pété y'a tête non-stop. Moi toujours qu'à venir que des different saps. Chaque son mou qu'a sorti qu'a baillé different tap. Non funky. Faut pas moller la mou qu'a flasque mon girl. Faut juste savoir qu'il y a no car around the world. Faut pas moller la mou qu'a flasque mon girl. Caribbean girl. Shocky shocky me say Al-Qaïda. Baby dancing for me and up. Shocky shocky me say Al-Qaïda. Génération 97 dans les tympans. Avec le double hit qu'il faut continuer à guetter pour repartir avec votre paire de Nike Air Max. Entend ce titre là enchaîné à Cécile avec Sanit, t'es le premier à débarquer au 0800 20 200 300. Oh yeah, give me chance, make you chop deep. As she do the Al-Qaeda. She said the whole club on fire. We a body big like Bombardier. A body big like Bombardier. She say she no want no Wahala. She no want no Wahala. Cause she need a real man like Montana. Oh yeah, shanta, she gon' give me kind of dance with me I never see. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda. Baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda. Baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda. Baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda. Baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda. Baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda. Baby dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda. Baby dancing for me and dab. Ambiance Trace FM. Et c'est tous les soirs dans Génération 97. Tu réclames tes titres, tu peux y participer. C'est totalement interactif sur les réseaux sociaux. Ou alors tu débarques en direct. T'as une exigence musicale, envie simplement de te détendre, te vider la tête de ta journée. 0820 203 200 pour débarquer, réclamer vos titres également sur les réseaux sociaux. On se prépare tout à l'heure à de nouveau refaire avec Kalash du Hey Baby Allo. On revient également avec tout à l'heure le sexe confessionnal. Il y aura le top des flops de la rentrée. Parce qu'il y a plein de rentrées qui ont été gâchées à différents endroits. Des trucs drôles, des trucs moins drôles aussi. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On revient avec Tijo Sound tout à l'heure. A tout à l'heure Tijo. Génération 97. Pendant 3 heures, c'est nos limites. Zéro censure. Génération 97. Breaking news. Breaking news. On commence par parler de quoi? On va parler de la Martinique qui signe une pétition actuellement afin que la Martinique soit membre justement de la FIFA. Et c'est le pari que s'est lancé l'association des supporters de la sélection de Naturel Antoine. Oui. De la sélection Naturel Antoine. En fait non, ça s'appelle le Wulo Matinino et la barre des 200 signatures a été atteinte. Ok. Voilà. Ok. L'objectif c'est quoi en fait? C'est d'accueillir des matchs de la FIFA en fait en Martinique en oui. fait. Mais ce serait bien non? Ok. Ouais. Non. Mais pourquoi pas? Ok. Oui. Yes. On va parler de les stades serviraient à quelque chose. Je dis ça, je dis rien. Il y a déjà des matchs dans les stades après. Pas dans tous les stades. Ouais, mais est-ce que les stades des Antilles-Guyane sont assez bien pour recevoir les... Ah, voilà, tout de suite, comparaison. Ah, alors, tu n'aimes pas ton pays, eh ben quitte-le, va vivre à Marseille. Est-ce qu'il faudrait pas améliorer des choses avant? Oui, il y a des choses à améliorer, mais tu les amélioreras seulement s'il y a des matchs en jeu dedans. Donc voilà. Donc, il faut qu'on ait s'adapter, quoi. Et à ce moment-là, on va faire de gros stades. En vue de ça, il faut déjà prévoir. Quoi d'autre dans les breaking news? On va parler de Gilles Saint-Louis, l'humoriste martiniquais, ouais, qui présente son premier spectacle à l'Atrium. Alors, ça va s'appeler le Gilles Saint-Louis comme jamais, qui aura lieu le 9 décembre 2016. Alors, la grosse performance, on l'aura demain au téléphone, Gilles. La grosse performance, c'est que visiblement, il a mis en ligne la billetterie, en fait, il y a environ 4 ou 5 jours. Et visiblement, le spectacle est déjà sold out. Ça veut dire que concrètement, il y a déjà presque plus de place. En fait, il doit rester une dizaine de places, j'ai cru comprendre. Mmh. Et en fait, le spectacle n'aura pas lieu avant le 9 décembre. D'ailleurs, connaissant Gilles, je soupçonne qu'il ait écrit les 3/4 du spectacle pour se mettre une pression. Jusqu'en décembre. On en discutera avec lui demain soir en direct dans Génération 9-7. Alors, savez-vous qui sera dans Danse avec les Stars? Non. Qui fera partie des artistes qui vont danser? Non plus. Essayez, proposez. Danse avec les Stars. Alors, il aime poser des questions. Un français ou c'est quoi? Julien Lepers. Oui, Julien Lepers. Vous imaginez danser, vous? Moi, je l'imagine pas danser. Moi, je dis oui. Quoi d'autre? Eh bien, Lilou? Eh bien, on a un top flop de la rentrée. Donc, on commence par Mada, où ce sont les syndics FO et CGTM qui ont fait un gros flop pour cette 14e journée de lutte contre la loi. La rentrée des syndicats. Okay. C'est ça. Ils se sont mémorablement foirés. Il y avait plus ou moins 50 personnes pour la manifestation et le retombé était minime, juste quelques postes qui étaient fermés. Tout le monde rentre et puis en fait t'as 70% des effectifs qui sont encore aux salines. C'est ça. En Guadeloupe, les rentrées ratées par exemple. Alors en Guadeloupe, il y a eu les inondations qui ont empêché pas mal d'étudiants à Massabielle se rendre aux écoles. Ouais. Beaucoup d'enseignants aussi étaient portés absents. Au niveau des transports et de l'accès aux écoles, c'était vraiment assez mal organisé. Oui, mais en même temps, on n'a pas de pirogue en Guadeloupe, c'est normal. Alors tiens, parlons de ça, on y est en Guyane avec pas mal justement de flop de rentrée. Ah oui, la Guyane a beaucoup souffert. À la Camopi, tous les établissements scolaires étaient fermés depuis lundi, puisque ça fait depuis 2014 que les syndicats dénoncent un manque cruel de logements qui cause du coup une pénurie de professeurs. Qui veut aller enseigner dans un endroit où on est censé être logé sans logement? Non mais sérieux. Ouais, ok. Ça dépend, en même temps, moi, l'idée que je m'en fais, j'y suis jamais encore allé, hein. Ouais. Mais l'idée que je m'en fais quand même, c'est... Bon, tu vas chercher de l'exotisme un peu, tu vas chercher de l'aventure, tu vas chercher à te mettre à l'épreuve. C'est en même temps, les profs, en fait, les profs de cette partie-là de la Guyane, en fait, ils font aussi un petit peu Koh-Lanta, c'est un peu un défi personnel, tu vois. Tu vas pas pour être logé dans un truc luxueux, quoi. C'est ça. Il faut te donner les 80% si tu dois vivre comme ça. Au moins, de quoi s'abriter de la pluie, quoi. Mais non, mais t'as rien acheté. On a fait le tour des flops de la rentrée. Non, il y a le collège Agaranda Kourou qui a aussi été fermé depuis lundi et a réouvert seulement ses portes hier après avoir parvenu à un accord pour pouvoir faire nettoyer l'établissement, c'est-à-dire que les professeurs refusaient d'ouvrir parce que les conditions d'hygiène étaient déplorables. À Kourou, il voulait rester à la base. Ça dépend quelle saleté il voulait dégager, parce que si c'est les élèves, ils vont avoir du mal. Bon, plus sérieusement, il y a aussi pas mal de trucs qui tournent, notamment cette vidéo, et on vous a parlé depuis tout à l'heure, on vous l'annonce, info ou intox, finalement, cette histoire du côté de Pointe-à-Pitre. Il y a plusieurs histoires. En fait, visiblement, on a l'impression que Pointe-à-Pitre est au centre des préoccupations de beaucoup, beaucoup de WhatsAppers et beaucoup, beaucoup de gens qui alimentent en fait des paniques. La première histoire concerne une femme qui aurait été agressée dans un magasin, qui aurait pris une balle dans la tête. C'est totalement... Faux. En revanche, il y a effectivement eu un cambriolage dans une boutique de téléphonie et ces images qui sont utilisées en fait pour alimenter ce faux buzz. Il y en a une autre d'histoire qui vient de tomber il y a pas très très longtemps. Une jeune femme qu'on voit nue allongée dans la rue avec des bouteilles de bière en fait à côté d'elle. Qui se serait fait passer à tabac par son mari. Ouais, et qui aurait pris aussi pareil une balle pour genre une dispute qui aurait dégénéré. Ouais. Alors la personne qui a marqué sur WhatsApp, grand journaliste devant l'éternel, a marqué: attention, la jeune fille a pris une balle après une dispute qui a mal généré. Je dis ça, je dis rien, mais les gars, faites attention à ce qui circule sur WhatsApp. Franchement, honnêtement, je pense que les gens... Il y a des gens qui s'amusent en fait à alimenter des faux buzz pour créer effectivement ce sentiment de panique. Ça n'empêche pas qu'effectivement la violence est insupportable aux yeux de beaucoup de gens. Maintenant, tout n'est pas à prendre en tout cas au pied de la lettre dans ce que vous voyez circuler sur WhatsApp. Attendez un petit peu que l'information soit vérifiée avant de faire circuler. On va s'écouter Dali, tiens, justement avec Babs Wayne et son hashtag G97, hashtag TraceFM 0820-203-200. On revient dans un petit instant avec du sexe confessionnal. On reviendra avec du Hey Baby Allo. Et puis on va lancer le Seki aussi dans un petit instant, histoire de vous offrir des cadeaux. Parmi les cadeaux, place de cinéma pour le film de votre choix. Et puis si vous êtes en Martinique, il y a Tarus Riley qui sera le 30 à l'Oasis. On vous offre des places 0820-203-200. Chaque fois, il tient en la rue là hier soir. De toute façon, pas ni rien à faire. Il a gué l'école, il trouve j'aime pour Pôle emploi. Les gars travaillent pour patron, c'est plié pour payer, yo capote pour couillon. Les gars dégnent formation, tous les jours c'est cop, tous les jours c'est tentation. Maman ici c'est toute la journée, en télé-nouvelle, la mode est si fait. Papa est toujours allongé, attends, on vivait pour nous, on prend en live. Sans repérer ses faiblesses qu'il en mode. Rodeye une poutre pour braquer pas si thug. Jusqu'au jus tombé si y'en pas commode. La vie pas en film de Spielberg. Comme un foie et ni pour mort. Pour qu'elle nous prend conscience. Prends mon pas café et va mettre sous choc à plein nos que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance. Tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans qu'il toujours coulé. Que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance. Tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans qu'il toujours coulé. Il qu'a travaillé à plein temps. La journée qu'on l'ennuie. Puis puis ça colle. Votre fait business mauvais. Trip pour Google à sa tante. Fille la plus en pliguette. Si les mecs qui n'est tout. Femme et jabon. J'allage j'en ai assez. Roulé à missier. Si vous la gérez. Qu'a réfléchi. Mais tout ça au passé. Est-ce que ça qu'a vint des plus simples. Pour soyer rentré, t'es chapon. Que les gens nous bien chargés. Pour voir nous bien à tout gagner. Pas fuma et gawa et qu'à parler. Mon téléphone pour qu'attraper un autre. Il pas cherché, pas fait ni en été. A l'effusé, y'a pas de me laisser parler. Femme la cour, y'a pas de me fait tailler. Si tu sais ça, y'a fait après. Comme un foie et ni pour mort. Qu'elle nous prend conscience. Remonte pas café et faut mettre tout choc à plein nos que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance. Tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans qu'il toujours coulé. Comme un foie et pour mort. Qu'elle nous prend conscience. Remonte pas café et faut mettre tout choc à plein nos que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance. Tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans qu'il toujours coulé. Combien t'es monnaie pour moi. Pour qu'elles autres prennent conscience. Sans qu'il toujours coulé. Combien t'es monnaie pour moi. Sans qu'il toujours coulé. Génération 9-7. 0820 203 200. Le soir, tu as la parole sur Trace FM. 100% radio libre. Il résonne encore plus fort, hein, ce refrain de Dali depuis les événements de ce début de semaine et de Johan, en fait, la mort de Johan. J'étais en train de me rendre compte que parmi les chansons un petit peu comme ça, un peu conscious, qui parlent de ce type d'histoire, en fait, il y a le On sait le coup qui est pas récent, mais qui est toujours autant d'actualité, en fait. Ah, le truc, ça a quoi? Ça a, On sait le coup, ça a 5, 6 ans. Ouais, combien? 5 ans, tu dis? Ouais. 5 ans? Ok. 5 ans déjà? Maman! Non, je me rappelle même l'intro Trace spéciale, tu sais, à l'époque. Trace FM 4 dit ou qu'est-ce que tu as carreau? Fais ça, on y bouffe, bouffe, pas mettre au carreau. Trace FM. Il y a 7 ans, c'est sorti. 7 ans? Ouais. Tu vois, tout le monde a retenu 4, 5, mais en fait, c'est 7. On a vu la ville, j'ai déjà 4 malades, et c'est drogue et alcool culinaire. Tout le monde a mangé, s'en foutait de là au culinaire. Ça c'est de la chanson à texte, hein. Ça c'est de la chanson à texte. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200. On nous a demandé du Vibes Cartel et du Tory Lanez dans la prochaine session. Vous faites votre sélection. On revient dans un petit instant d'ailleurs avec Tijo derrière les platines. Mais d'ici là, on lance le C'est qui. Dans le C'est qui ce soir, des indices. C'est une personne connue à découvrir à travers ces indices. Bonne chance. On m'a surnommé en Afrique la princesse du Zouk. Tout commence pour moi en 2008. J'ai déjà chanté aux États-Unis, en Afrique, à La Réunion et aux Antilles-Guyane. Qui suis-je? Reprends-moi ça. On m'a surnommée en Afrique la princesse du Zouk. Tout commence pour moi en 2008. J'ai déjà chanté aux États-Unis, en Afrique, à La Réunion et aux Antilles-Guyane. 8 ans de carrière. C'est récent quand même, hein? Dans la musique, c'est la moyenne. Ouais, mais... Là, y a, franchement, parmi toutes les zoukeuses, je pense qu'à peu près toutes... On va procéder par élimination. Elles sont à peu près toutes dans ces eaux-là. Est-ce que c'est une femme fatale? Est-ce que c'est une femme fatale, oui ou non? Oui, à sa manière. Voilà, parce que j'hésite entre deux et les deux sont dedans. Mais attends, mais tu m'as pas aidé. Tu m'as pas aidé. Mais ce sont toutes des femmes fatales, hein, les chanteuses. Non, je comprends pas pourquoi. Non, la plupart du temps, ce sont des pleureuses. Mais elles sont fatales. Tu dis ça parce que t'aimes pas le kazoo. Laisse-nous tranquille. Ah non, j'adore le zouk comme entrée en matière. Jalouse, c'est parce qu'elles sont bien foutues. C'est ça, c'est la jalousie qui parle. Bref, reprends-moi les indices, s'il te plaît. Alors, on m'a surnommée en Afrique la princesse du zouk. Tout commence pour moi en 2008. J'ai déjà chanté aux États-Unis, en Afrique, à La Réunion, aux Antilles-Guyane. Qui suis-je? On attend vos propositions. 0820 203 200, le premier qui trouve repart avec les cadeaux. D'ici là, on va revenir avec du Hey Baby Allo dans une poignée de secondes, les amis. On va piéger qui d'ailleurs? Comment elle s'appelle, celle qu'on appelle ce soir, Sabri? On nous a filé un numéro de téléphone en antenne pour le Hey Baby Allo. Comment elle s'appelle? C'est un garçon. Ah bon, bah, comment il s'appelle? Ja. Aussi? Non, c'est-à-dire que voilà, c'est tout à l'heure, je pensais en fait que qu'on allait appeler celui-là, mais c'est la dame qu'on a appelée, mais là maintenant c'est Ja. Tu rigoles frère, et on fait ça comme ça, comme si de rien n'était, on va appeler Ja dans un instant quoi. Rastafari, Haile Selassie. Hey baby, allô. Je t'arrive, là, hein. J'ai pas fini le petit peu de... Mais toi tu dois barber pour m'en faire savoir comment monter. On appelle Ja dans un petit instant, c'est juste après la petite session de mix de Tijo 120 tout de suite. Paré pour la rentrée, et t'inquiète ça va aller, à condition de te procurer le forfait sapé bail SFR, t'as SMS illimité, et une heure pour appeler, tu peux même surfer avec 500 mégaoctets, à partir de 9,99€ par mois, pendant 6 mois, plus 14,99€ par mois, si j'étais toi je n'hésiterais pas, eh ouais, c'est nouveau et c'est posé, forfait sapé bail SFR, ça le fait. Offre soumise à condition jusqu'au 28 septembre. Prix sans mobile avec engagement 24 mois. Détails et restrictions en boutique SFR. Bail signifie par. Ici, au 96-300, dans tous les coins de l'archipel, t'attendent des centaines de gens qui, comme toi, veulent trouver l'amour. Ici, ICI, au 96-300, consulte les profils d'hommes et de femmes de toutes les Caraïbes. Alors envoie par SMS, ici, au 96-300. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Dans le cadre de vos coups de cœur, découvrez des films en version originale sous-titrée à 19h. Les lundis, mardis, au Cinéma Rex et au Cinéma d'Arbeau, le jeudi uniquement. Votre programmation de septembre. First Date, Ben Hur, Free State of Jones, War Dogs et Juste la fin du monde. Les films coup de cœur sont disponibles pour les séances scolaires. Contact 0690 47 11 54. Le 7e art prend tous ses sens au Cinéma Rex. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Ah, moi j'adore. Génération 97, le meilleur de la semaine, la crème de la crème des conneries de la semaine, en rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97 aussi dispo sur trace.fm. James Bond, Mr. Nissi Smith et Jason Bourne n'étaient pas disponibles. Alors pour sauver le monde, il ne reste plus que... J'ai un plan. Ça pourrait peut-être nous tuer tous les deux, mais dis-toi que si ça passe, on va devenir de vraies légendes. C'est cool. Non, ça rien de cool. Dwayne Johnson, Kevin Hart, agent presque secret. Cet été, on sort les gros calibres. Agent presque secret, actuellement aussi. Génération 97, la plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. Le Hey Baby Allo débarque dans un instant. Hey Baby Allo. On appelle Dia, mais juste avant, c'est Tijo qui branche les platines. Tijo Sound, ambiance Trace FM. I done fell for your way, baby. I know, girl, but somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, yo, what you say? Fever, buy your punani. Point for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. Fever, buy your punani. Point for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and crisp. When you look back at you, I mean that. Doggy style, puppy whisper. My cocky so hot, it the fire fever. If you can't rock it off, hasta la vista. Girl, affy, ava, pussy, power. Grab it, Lego, quit, lower. Bodo, lover, bodo, cover. Tattoo, color, warm, summer. Millipi, wanna pump, pull up, pussy, lippy. Call up, I'm all of my yellow bird. Philly, dilly, bella, best, fall apuck. Philly, dilly, bella, best, fall apuck. Back shot, somehow you got extra. Forget me not, when it's sweet, yo, what you say? Fever, buy your punani. Don't worry for me. Come see me, baby, everything crisp. Don't worry about, don't worry about it. Anybody, everybody, come on your way. Here we go. Anybody, everybody, come on your way. I drink till I fall in love. Yes, I drink till I get drunk. I never thought that I could drink so much alcohol. I never thought I could drink so much rum. I never thought I would ever end up in the back of a cannibal truck. I never thought I would ever end up on the front page of the papers. Because I'm a dream.

Le jour où t'es entré dans ma vie, je me suis mise à dos une partie de mes amis. Maman t'a accueilli comme si t'étais de la famille, mais j'ai douté de toi quand t'as parlé à mon mari. Je comprends que tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, non, tu ne m'aimes pas. Avoue que tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Génération 97, Génération 97. Le soir, pendant 3 heures, prends le pouvoir sur Trace FM. Dans un instant, on appelle Ja pour du Hey Baby Allo. C'est Kalash qui l'appelle d'ailleurs en personne. Dans un petit instant, on a Trace Radio. D'ici là, il y a du Seki. On m'a surnommée en Afrique la princesse du Zouk. Tout commence pour moi en 2008. J'ai déjà chanté aux États-Unis, en Afrique, à La Réunion et aux Antilles-Guyane. On a vos propositions qui débarquent au standard 0820-203-200. On accueille d'abord Matt. Salut Matt. Bonsoir Matt. Ouais, tu penses à qui? Allô, toi bonsoir. C'est quoi ta réponse? Moi je pense à Princess Lover. Ah, Princesse du Zouk, Princess Lover. C'est un peu facile mais bon. Et non, ce n'est pas Princess Lover. Désolé Matt, quelqu'un d'autre au standard? Ryan. Salut. Tu penses à qui toi? Ça oui, ça va et toi? Oui, ça va. Donne-nous ta réponse. Nsoki. Qui? Nsoki. Non, ce n'est pas Nsoki. Nsoki. Mais c'est qui? Nsoki, c'est une gagnée. Nsoki, c'est... Mais du coup, c'est lui qui fait le Seki parce que je sais pas. Vas-y, Brian, dis-lui qui est Nsoki. C'est une chanteuse angolaise. Ah, d'Angola. Oui. Si elle est angolaise, elle non est parce Angola. Que j'ai hésité en Angoulême, j'ai entendu Angoulême après. Non, Angola. Tu sais Angola comme la chanson Angola, ok, Fanchoura. Nini. Non Brian, ce n'est pas Nsoki. Quelqu'un d'autre au standard nous rejoint. On a Elodie et Steven qui ont la même réponse. Salut, bonsoir Steven, salut Elodie. Bonsoir. Alors, vous pensez à qui tous les deux à 3? 1, 2, 3. Tia. Tu penses à Tia? Elodie? Elodie, Elodie elle attend de voir, tu sais. Elodie, Nounouche, tu penses à qui? Je pense à Tia aussi. Est-ce que c'est la bonne réponse, Tia? Ce n'est pas Tia. Ce n'est pas Tia, donc vous n'avez toujours pas trouvé, on va devoir rajouter des indices. Oui. Alors, je suis devenue maman et je l'ai célébrée dans une chanson. Ça aurait pu être Tia, tu vois. J'ai collaboré avec Axel Tony, Marvin et Stony. J'ai des origines martiniquaises et espagnoles. Qui suis-je? Réponds-moi tous les indices là, s'il te plaît. Alors, je suis devenue maman et je l'ai célébrée dans une chanson. J'ai collaboré avec Axel Tony, Marvin et Stony. J'ai des origines martiniquaises et espagnoles. Est-ce qu'on l'a entendu dans la session là qui est passée juste avant? Non, je pense pas, je l'ai pas entendu. On attend vos propositions 0820-203-200 également sur le net www.trace.fm pour repartir avec les cadeaux. Ce n'est ni Stony, ni Princess Lover, Tia. Ni Nsoki. Alors c'est qui? Le mystère reste entier. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Ja ou pas? Allons-y. Yes. On y va, c'est parti. On y va en mode Hey Baby Allo. Kalash qui s'y colle évidemment dans la Trace Radio. Kalash teste ses plus grands fans ou ses plus grands détracteurs. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on est toujours surpris de la réponse. Surpris de votre manière de réagir. On compose le numéro de téléphone. On repart derrière avec Kalash Néo. Je vois pas bien. Hey baby, c'est pas rien. Ah oui, c'est. Allô, je vous dérange, c'est ça que tu veux. C'est toujours ton numéro. Non, je joue pas le bandit. Mais qu'est-ce que tu veux là? En radio. C'est pas moi. C'est qui vous là? Qui vous a mixé là? C'est pas moi. C'est pas lui, c'est pas Chloïc. Sakimuno, café moi blague, ça va, peut-être ma mère a passé la radio comique. Vous êtes carré, vous êtes carré là, hein. Ouais, ouais, midey, hein. J'ai pas fini petit pédé. Mais toi, tu dois pas moi pour moi que ça brille comme un monté. Je suis tes bas moi, Mike, là, c'est moi qui t'ai mangé. Oui. Moi que j'irai en face, moi pas savoir qui m'ennuie, moi pas j'irai en face, moi que j'irai comme moi quand même. Ouais, ils ont fait ça le bail, hein. Comment je vais vous savoir, c'est lui? C'est pas moi. C'est pas lui. Je donne mal au gauche. Ça nique la race du cheveu. Ah non, non. Quel blafard. Mais dis-moi qui me nouille. C'est pas moi. Allez, j'ai presque plus de batterie, chat. S'il te plaît, 2 minutes 30. Tu peux me dire aussi qui? C'est pas moi. Ouais, donc c'est d'être assez femme. Donc, t'as l'âge dans mon gars. Ouais. Eh ben, mais on dit plus de batterie. Je suis tellement désolé. Difficile. Ça y est, ça a coupé, il saura pas. Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I'm really living what I'm rapping about. It ain't nothing for me to cap about. All my life I had to trap it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I took your whole house and I trapped it out. I'm really living what I'm rapping about. It ain't nothing for me to cap about. All my life I had to trap it out. I took your whole house and I trapped it out. Jackie hit the door, bring it for the blow. Nose it, oh, baby. Keep on calling 12 while I'm pushing bells. I'ma gon' pay. Pouring the foes in the lemonade while we cooked up in the microwave. GLG started getting. Gotta keep the chopper. drop it with the soda. Plug came in with the paint. Drop it in the soda, got me leaning over. Beat the block, I gotta feed the block. Dang it, they like the beer. Selling ice cream to a dope fiend. Buying ice cream for the children. I took your whole house and I trapped to that. I took your whole house and I trapped to that. I took your whole house and I trapped to that. I took your whole house and I trapped to that. AC blast. I got bitches wanna fuck me, so wrong, do me bad. I got cash in my pants, I got cash on her ass. AP dance, bitches glance, cause my diamonds look like glass. I wanna fuck her, but she play more games than the NBA. 9 in the morning, got a dentist appointment, little bitch, you can check out the dentist plate. Check it out. I got some margarine, baby, I got some water, this shit like a mini lake. Fuck nigga play, I'ma send him the meeting maker, then act off for forgetting it, babe. Chopper, chopper, end up flipping, nigga. Yeah, you better start tripping, nigga. I don't use words when I kill a nigga. Ass nigga, I got this guy. Nose cold watch, but my bottle pink out. Three red hoes walking around in red rows. Can't stay the night, I'm not the type that be on Skype. Ho, woke me out, said that I was gone, that was a typo. Take a white girl out of trailer, make a Iggy. Take a black bitch out of magic, make a nigga. Pissy yellow rollie, baby, pissy and I'm feelings. My young bitches show respect, they call me Mr. Millions. Brown skin chick, yeah, she love to wear purple. Her nails purple, lips purple, pussy hair purple. Big titty Amazon in my black Benz. I'm a rich black man, got a couple white friends. Dream is a young man dream. Yeah. Run it tall like on Charlie Street. Nigga, I ain't worried about none. Nigga, I ain't worried about none. Nigga, I ain't worried about none. I ain't worried about none. Nigga, I ain't worried about none. Nigga, I ain't worried about none. Nigga, I ain't worried about none. Round, round with that whoop. Strapped up with that Nina. Got two bad bitches with me. Molly, not gonna feel. Money don't mean nothing. Niggas don't feel you when they see it. When it's gonna keep going, yeah. When you die, somebody else was born. But at least we got to say we ran out of this, we ran out of money. We ran out of this, we ran out of money. We ran out of this, we ran out of money. We ran out of this, we ran out of money. We ran out of this, we ran out of money. We ran out of this, we ran out of money. I'm leaving like I'm on the field for the handy. Like all lots of shit, like my bitches are dangerous. They didn't know me, what's all I left from with? You know it's a drop when you. Tijo Sound, ambiance Trace FM. Ambiance Trace FM. C'était quoi ça? C'était une manière de nous dire j'avais envie de jouer ça, mais finalement je m'arrête là. Le mec, tu. On est en direct dans Génération 97, Mala, Guadayana, 0820, 203, 200. On revient tout à l'heure avec Tijo, on t'a demandé tout le redeem sur lequel il y a Cécile. On t'a demandé aussi par exemple le paille en combinaison avec X-Man. On t'a demandé Drake aussi avec One Dance. On revient tout à l'heure avec, à tout à l'heure Tijo. Yes I, hashtag G97, hashtag Trace FM, la radio libre. 3h. Génération 97. La plus grosse libre antenne des Antilles-Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque au 0820 203 200. Tout à l'heure, il y a le sexe confessionnal. On parle de quoi dans le sexe confessionnal ce soir? Donc on parle des innovations en matière de sexe pour pimenter une relation, on va dire, longue. Ouais. Pour remettre un petit peu de piment. C'est en ça. Plus de ça, tu nous parleras de ton expérience d'une toute nouvelle application que tu testes depuis 3-4 jours en fait, qui est censée allier tout ce qui est sexy et sexe avec un petit peu de sport et le c'est nombre ça. De calories que tu dépenses. Nous saurons au terme de 3 jours de cette application que tu utilises combien de calories tu as vraiment perdu. Mais d'ici là, c'est le Siki. Et dans le Siki, il y a du monde qui nous rejoint du côté du standard. Manuel. Salut Manu. Allô, allô. Oui. Ça va? Tranquillement, toi-même. Ouais, tranquillement, posé. Ça va, c'est cool, c'est rentré. Tu vois? Cool. Oui. On attend les prochaines vacances, on attend le premier week-end, quoi. Ouais, bon, moi, je suis toujours en vacances. Pas de ah, soucis, voilà. Raccroche sur sa gueule. Raccroche sur sa gueule. Tu vas rentrer quelque part, un jour, ou alors tu es en vacances toute l'année? Mais peut-être non, je suis en vacances pour le moment, je reprends le travail bientôt. Ah, c'est le boulot, ouais. Ok, d'accord, ok. C'est jamais très bon signe. C'est des congés payés ou alors c'est une mise en disponibilité, arrêt maladie, parce que où t'es besoin d'arrêter à case? Congés payés. D'accord. C'est légal. C'est bon, tu as le droit. Tu peux parler sur cette antenne et dire ton vrai prénom. On a Laetitia qui nous rejoint juste derrière dans un petit instant, mais Manu, quelle est ta proposition? On rappelle les indices. On m'a surnommé en Afrique. Ah, il donne déjà. On m'a surnommé en Afrique la princesse du zouk. Tout commence pour moi en 2008. J'ai déjà chanté aux États-Unis, en Afrique, à La Réunion et aux Antilles-Guyane. Je suis devenue maman et je l'ai célébrée dans une chanson. J'ai collaboré avec Axel Tony, Marvin et Sony. J'ai des origines martiniquaises et espagnoles. Qui suis-je? Kim. Tu penses à? Kim, à Kim. Tu penses à Kim? Oui. Et Laetitia, elle pense à qui? C'est ce que j'allais dire. Vous avez la même réponse et vous débarquez d'affilée. Vous pouvez même pas vous synchroniser en fait. Vous connaissez pas? Non. Eh ben ce n'est pas une excuse. Vous pensez à la même personne, chacun de votre côté, à un bout de l'autre de la planète, ok? À un moment ou à un autre, faut créer un club, les gars. Est-ce que c'est la bonne réponse? Et oui, c'est la bonne réponse, c'est bien Kim. Bonne réponse, félicitations, on cherchait bien Kim. Cette princesse du zouk. Alors je savais pas que c'était comme ça qu'on l'appelait en Afrique. Si. C'est marrant parce qu'effectivement moi j'aurais pensé que... Alors si elle c'est la princesse du zouk, princesse lover c'est quoi? C'est la reine du zouk en Afrique? Ça doit être ça, c'est la souveraine. Ça dépend tu vois de l'endroit où tu es en fait. Ça dépend de ton niveau, de ton titre. Tu as plus d'étoiles selon le pays où tu es. C'est la bonne réponse, vous bougez pas, vous raccrochez pas, on va vous mettre les cadeaux de côté, ok? Yes, okay. Bonne soirée, yeah, okay. Letty, tout se passe bien pour toi, t'as rentré, comment ça va? C'est cool, tu fais quoi cette année? Letty? Laetitia? Ouais, il y a des gens ils sont pas habitués. Écoute, ma maman m'a appelé Laetitia, c'est quoi ton truc de Letty? Maman, tu te pètes du beurre à moi là! Tu vois que je me mélange avec les tomates, c'est moi Letty, c'est la coquette profond. Hein, tu m'as déjà trouvé au rayon de crudité? Je ne suis pas Letty. Letty, mais je ne veux pas qu'on me tutoie. Qu'est-ce que tu fais cette année, Laetitia? Non, je suis pas à l'école. Ouais, non, mais peu importe, mais qu'est-ce que tu fais cette année? Tu bosses, tu prends ton temps. Tu bosses dans quel secteur, hein, dans quel type de boulot? La restauration. Ah, cool, putain, c'est toujours un bon moment. Ah. C'est toujours un très très bon moment, parce que c'est le moment où on va te demander où est-ce qu'on va manger à l'œil ce week-end. Grande question. C'est une très très grande question, à laquelle tu ne veux pas répondre. Bon, ben c'est pas grave. Hein. Voilà, moi, je vais faire un gros big up à Kathleen qui nous écoute, j'en suis sûr. Elle est du côté de son snack, là, à Rivière-Sens, un gros big up. Donc, nous ne big upperons pas ton restaurant. Voilà. C'est quoi comme nourriture que vous faites, Letty, dans le resto où tu bosses? C'est peut-être la cantine, ceci dit. Tu bosses dans une cantine? Non. Tu bosses où? Traiteur. J'ai pas compris. Traiteur. Ah, tu es traiteur. Maman. Et tu as pas le droit de le dire parce qu'en un moment là, t'es dans la cuisine. Non mais tu sais, moi je me suis toujours demandé ce que vous faisiez de toute la bouffe. Parce que parfois tu sais, il reste de la bouffe sur les événements. Vous faites quoi? Vous dispatchez entre vous? Vous donnez à des associations? Vous faites quoi? On garde pour le prochain. Non. On recycle. Ça dépend. On le met au frigérateur si le prochain mariage est une semaine après. Mais si le mariage est le lendemain, on reconditionne le truc. Non, on rigole, on sait bien. Les traiteurs s'engagent. En plus, franchement, honnêtement, c'est aussi pour ça que le service, il est un peu plus up, il est un peu plus machin, etc. Parce que on sait très très bien que c'est un très gros danger si les gens tombent malades ou machin, etc. Si t'es traiteur, je pense que tu mets la clé sous la porte. Hein. Ah ouais. Si tu as toxique 150 personnes dans un mariage, là, t'es mal. Je pense que quand tu es traiteur, tu peux faire de la prison. Ah ouais. Quand tu as snack au bord de la route, tu ne peux que revenir, passer rapidement avec ta voiture et faire Kounia Mamazote. Ils n'auront jamais de problème. Mais quand tu es traiteur, tu mets la clé sous la porte. On te fait des bisous, Letty. Bon courage également à Manu. Bonne rentrée à vous deux. On revient avec le sexe confessionnal dans un instant en Génération 97. D'ici là, c'est les platines qui parlent. FM. France Music Festival revient avec Trace et Guadeloupe Première. La culture caribéenne vous donne rendez-vous du 28 au 30 octobre pour la 19e édition du Festival de la Dominique avec Icon, Popcorn, Wyclef Jean, Ophelia Chabanton, Morgan Heritage, Michael Anderson, Midnight Groovers, Crayola et le grand méchant Zouk. Au total, plus d'une vingtaine d'artistes. World Creole Music Festival. Du 28 au 30 octobre 2016. Un événement Guadeloupe Première et Trace. En partenariat avec le ministère du Tourisme de la Dominique. Info sur www.wcmfdominica.com et sur www.discoverdominica.com. Lundi 26 septembre, c'est ton rendez-vous du mois. 97 People. Et Trace Urban t'a concocté une émission spéciale vacances. Rencontre les vacanciers de la Mercury Beach à Sainte-Lucie. Une fois n'est pas coutume, c'est leur playlist qui est à l'honneur dans 97 People. Tous ont choisi le titre de ces vacances 2016. En bonus, les images des concerts de Machel Montano, Feyan Lions et Bungie Garlin. 97 People, spéciale vacances. 97 People, spéciale vacances. Lundi 26 septembre à 19h aux Antilles et 20h en Guyane sur Trace Urban. We love hip-hop and R&B. Ce programme vous a été présenté par McDonald's. Toute la semaine entre 18 et 19h sur Trace FM. Trace. Premier sur les hits. Le soir, c'est totale libre expression sur Trace FM. Dans Génération 97. Avec ton amigo en mode déter déter. Amigo fun and fruity life. Fun and fruity life. Trace FM. Be so nice. Big up to the song. Big bad beat. Just the body with me, you bad at them and I cry for. Body with me, ever just the body with me, Trace. Hey baby, loving when you whine for me. Tell me what you want, baby. I'm a loving when you have, baby. Trace, bust a wine for me daily like a bike round the corner. Boom, pack a cup, yeah, the right sweet, yeah, maha. If you love the right, me turn it up like a sauna. Trace, hold up on my body and Trace, set it. Broke off my back, yeah, Trace, if you set it. This line I wear, no, Trace, set it. Hold up on my body, hold up on my back. Mama, you get drop up on my clown, young style. You pack up on the top, trip in your dumb from style. Like your ex, man, I'm a girl full of pie. The dollar step on the comical American pie. And the bummer, you dance hard. Listen, you're deaf? Any girl can whine to the song, yeah. Feel them body in the right, feel them body in the right. Any girl now whine to the song, yeah. Feel them body in the right, it not right. Girl, you comfortable just like my new coach. First class seat with a different approach. Girl, you know how to it like a CD poach. It's Charlie. Girl, come give me the virgin wine, virgin wine. Wine like a virgin, virgin wine. Virgin wine, virgin wine. Act like you're clueless, virgin wine. Virgin wine, virgin wine. Big foot gal argument in a chime. Virgin wine, virgin you pass the age of 18.

7 dans les tympans. La radio est libre le soir. Real talk, real mix, real délire aussi avec Vocalular tous les soirs. N'hésitez pas à nous proposer des gens à piéger. On vous fait des scénarios sur mesure. 0820 203 200. Pour nous joindre à n'importe quel moment également sur les réseaux sociaux, hashtag G97, hashtag TraceFM. Place au sexe confessionnal. Merci Tijo Sound. Oui. Maman, tu as fait une hécatombe là. Génération 97, 0820 203 200. Le soir, tu as la parole sur Trace FM. 100% radio libre. Alors, on parle de quoi ce soir dans le sexe confessionnal? On parle de ce qu'on peut faire pour pimenter le sexe lorsqu'on garde le même partenaire un certain temps. Ok, vous me couchez les chinchans s'il vous plaît. Les chinchans. Oli. Les ministres justiciers. Oli. Barbie Oli. Angelo la débrouille. Oli. Inazuma Eleven. Allez vous coucher. Les Brads. Oli. Ceci est réservé à un public averti. Alors, parmi les nouveautés, regarde-le, on a le stagiaire, il a été piqué un somme, il revient pour le sexe confessionnal. Couche, j'hallucine. J'hallucine. Là, mon petit, la braguette, elle est ouverte. Et en fait, le mec, il était en train de se caresser dans un bureau à côté. Il a quoi sur le front, là? Je sais pas. Ouais, on a mis sur Snapchat, on lui a fait un petit truc. Parce qu'on l'a collé en train de dormir dans la salle de réunion, en fait. Et on a mis sur Snapchat le moment où on a marqué son front. Le problème, c'est qu'il s'est réveillé. Il s'est réveillé en plein milieu. J'ai pas eu le temps de finir. Ouais, voilà. Bref. Trace FM 97, si vous voulez voir la vidéo. Ouais, franchement, honnêtement, on a des preuves pour montrer que tu t'impliques vraiment à fond dans ton stage. La preuve en est, on ne filmera pas ton implication dans le sexe confessionnel. On parle d'une toute nouvelle application. Oui, alors moi par exemple, pour créer de la nouveauté, et aussi parce que je suis une feignante de la salle de sport, je me suis essayée au BankFit. Alors ça s'appelle BankFit l'application. Bank Fit. Ouais. Comme un gangbang sans le gang avec fit après. Ouais, ok. Si tu veux. V'là le raisonnement dans la tête de la meuf, hein. C'est le raisonnement. Non mais c'est vrai, c'est okay. Un truc que tu peux faire. C'est un truc seul. Qui a été créé par Pornhub. C'est ça, exactement. Donc ils sont toujours un petit sauf peu. Sauf que demande-lui comment s'appelle le site. Oui, bah écoute, dis-moi, je prononce à la française. Vas-y. Pornhub. Même pas, j'ai dit Pornhub. Mais écoute, ouais, mais moi je l'entends pas souvent, contre, mais je Chris le vois Brown, régulièrement. Hein. Elle dit pas Chris Brown. Hein. Bref. Oh mon Dieu, t'es ouais. Comment. Bon, peu importe. Pornhub est à l'origine de cette application. En fait, l'idée, c'est d'essayer de convertir. C'est une application. Ouais. L'idée, c'est pas d'essayer de convertir les gens au sexe, bien sûr que non, puisque c'est le seul truc qu'on fait sans être réticent ou sans dire ah non, je peux pas. Machin. C'est pas eux. Attends, toi t'es réticent à faire du sexe? Moi non, mais. Comment ça fonctionne? Mais les filles avec lui, oui. Ah, c'est pour ça. Je peux rien faire pour toi. Alors on peut se rendre directement sur le site. Et en fait, les couleurs, c'est très vintage, très fluo rétro. Donc c'est pas mal. On peut avoir un coach virtuel. Je vous conseille de couper le son par contre. Parce que ça peut en couper plus d'un. Et donc. Moi, je trouve que c'est pas mal parce qu'il te propose. Mais ça consiste en quoi exactement? Quand tu prends un coach personnel sur BankFit, le mec, il te dit, bon, alors, genre, il prend un couple, tu mets une webcam et il te dit, bon, allez, mec, tu laboures un peu plus, s'il te plaît. Non, on y va, ça marche par un système de points. Ouais. On utilise le smartphone. Donc, je sais qu'ils ont créé une sorte de banane super moche, mais bon, bref. Cette banane, elle sert à quoi? À mettre le téléphone pour qu'il y ait un capteur pour les mouvements. D'accord, détection de mouvement et ça vérifie combien d'allers-retours tu fais avec les rênes. C'est connecté en Bluetooth à ton téléphone portable qui est connecté sur le site. C'est ça. Ok. Wow. Mais si on est tout seul et qu'on est juste un branleur, est-ce qu'il y a un accessoire pour la main? Alors non. Non, mais par contre, tu peux sélectionner des positions pour te masturber. Par exemple, tu peux le faire à seul, à deux ou plusieurs. Et en fait, plus il y a de monde, plus t'as des points en fait sur BankFit. C'est ça. Ok. Plus t'as des points, plus tu sélectionnes une position compliquée, plus t'as des points. Et plus tu y vas souvent, plus t'as des points. Des positions pour se masturber. Exact. Est-ce que t'as déjà pris le coach là, vraiment? Tu l'as pris déjà ou pas? Tu l'as testé ou pas encore ça? Le coach, pas encore. Pour l'instant, je marche avec. Bon, la semaine prochaine, tu nous donneras des nouvelles du coach. Franchement, c'est pas mal. Juste, payant le coach, il est payant. J'aimerais savoir, surtout en fait, au terme de 3 jours d'application, en fait, combien de points tu as? Bon, on juge pas, d'accord. Mais déjà, on n'a pas de... Non. On n'a pas de repère, on n'a pas forcément de référence. Voilà. On ne sait pas si tu vas faire un énorme score ou un score complètement j'ai pitoyable. J'ai 127 points pour le moment. 127 points. Et tu sais comment se calcule le point ou pas, à peu près? C'est le nombre d'allers-retours, c'est quoi? Non, c'est selon la position que tu choisis, il te donne un temps. Et comme je disais, il y a le smartphone qui fait capteur. Et du coup, voilà. Donc en fait, tu es en train de me dire que tu fais plaisir à la Teucha. Et en même temps, tu peux te dessiner des abdos. Et en même temps, tu peux renforcer les fessiers. Moi, pour l'instant, je suis plus sur les fessiers. 127 points, la meuf. Et t'as trouvé ça dur comme exercice ou pas du tout? Dur, c'est-à-dire vis-à-vis de mon partenaire? Non, vis-à-vis... Non. Je veux dire... Tu sais bien, justement, l'idée de créer une application comme ça, c'est de rendre quelque chose qui peut dissuader un certain nombre de personnes. Ouais, c'est accessible. Ouais, et en plus, ça peut te faire découvrir certaines positions si tu ne les connaissais pas déjà. Mais par contre, il y a des trucs, c'est un peu hardcore, genre 30 minutes de 69. Je trouve que c'était un petit peu beaucoup. 30 minutes de 69, ah non, je peux pas. Ça dépend, si 30 minutes de 69, ça te fait perdre 8000 calories et ça vaut 2000 points, j'en sais rien, moi. 30 minutes de 69, ça fait comme si tu avais fait 4 fois le 400 mètres haies. Ok, donc là, tu perds du poids. Mais si tu avales? Si tu avales, en fait, il y a pas mal de protéines, donc c'est bon pour la récupération. Tu sais, les trucs en cycle fermé. Bon, je perds du poids, mais je me revigore. Je me réalimente. Mais le 69 pour tout ce qui est gainage, franchement, c'est top. 30 minutes de 69. J'ai pas fait les 30 minutes. 30 minutes de 69, c'est un 400 mètres haies. Ouais, 4 fois 400 mètres. J'ai du mal à le croire, franchement. C'est pour celui qui est au-dessus, mais pas celui qui est en dessous, du coup. Mais tu peux vice-versa. Ouais. Et tu peux aussi peut-être relever un petit peu. Tu connais pas les gens qui veulent changer le rythme? Non. Alors non, il y a plusieurs 69. Il y a le 69 debout, allongé, sur les côtés. Ah ouais, debout. Ouais. Donc à un moment ou à un autre, en fait, si tu veux, l'idée c'est de rendre la chose en même temps ludique avec quelque chose qu'on trouve d'appréciable, mais en même temps de dessiner un peu son corps. C'est ça. Ça marche ou pas? C'est un peu tôt pour le dire en 3 ans, mais tu penses que ça marche ou pas? J'ai des crampes. Ouais, t'as des courbatures en fait, Tikam. Je suis un petit peu curieux en fait, j'avoue que je suis encore là-dessus, mais j'aimerais bien savoir à quoi correspondent tes 127 points, genre combien d'exercices t'as dû faire pour arriver à 127 points, est-ce que t'es un niveau expert? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, ouais. Est-ce que t'es rookie? Non, il n'y a pas de niveau à proprement parler, par contre tu peux partager tes points. À mal proprement parler aussi, hein. Tu peux partager avec les autres. Et qu'est-ce que tu as fait pour avoir 127 points? Voilà, c'est ça qui est sa question en fait. On veut savoir. Oui. Alors j'ai tenté les 30 minutes de 69, mais je ne suis pas allé au bout. Donc t'en as fait combien à peu près? Je crois qu'on était à 17 minutes. C'est pour ça que tu articules pas beaucoup ce soir. Non, mais seulement je la vois essayer des mots. Je me dis, mais qui c'est, elle a mal à la mâchoire ou quoi? Donc t'as eu combien de points pour ça? Pour ça, j'ai eu 38 points, je crois. Ah, c'est pas beaucoup, ok. Non, il n'y a pas beaucoup de... Et quoi d'autre comme exercice pour atteindre 127 points, en fait? J'aime bien. Bonne question. C'est pour la science. Allez, vas-y. Ben, je sais pas, moi. Alors, il y a eu quoi hier matin? Utilisation du vibro, non? Alors non, j'ai pas encore... Elle a commandé la banane, mais elle l'a pas encore reçue. Ouais. Enfin, pour l'instant, j'utilise, tu sais... une banane classique, quoi. C'est pas très sexy, hein. C'est bien de manger des fruits quand on fait du sport. Mais faut les manger. Mais non, je parlais de la banane ceinture. La sacoche, tu sais, elle parle de la sacoche. Elle parle de la sacoche. La sacoche, Yannick. Yannick est déjà parti. Ouais, elle utilise des bananes. Ah non. Demain, c'est quoi le régime? Concombre. Il est con. Yannick, ceci dit, si tu te mets un concombre, je m'en mets un. Ouh, des filles. Hugo qui se réveille. Ouh, un concombre. Le mec attend. Un cocoteur. Il y a peu de chances que ça arrive, hein, franchement, honnêtement. Il y a vraiment peu de chances. Hugo, je pense que t'es bien parti. Non. Tout le monde n'est pas comme ton papa. Mon papa. Mais arrêtez, fallait rire à la blague. Parce que tu t'attaques aux parents, là. On a dit pas les parents, pas les vêtements et pas Saint-Claude pour Nessie. Bref, donc ce week-end, tu essayes le coach. La semaine prochaine, tu nous en donnes des nouvelles. Mais j'ai peur que le coach, ça coupe l'envie de monsieur. Voilà. Écoute, t'essayes le coach. toute seule et puis ensuite tu fais le coche avec elle. Genre, 127 points. Coach, 127 points, c'est le point de départ. Enfin, c'est le score qu'elle a pour l'instant. On va voir déjà demain. Ouais. On va checker à combien tu es passé. Sachant que c'est pas les seules techniques. Alors là, tu as trouvé une technique à partager avec nous pour faire du sport en même temps qu'on on peut coucher ou faire l'amour. Mais il y a d'autres techniques pour remettre le piment. On en parlera demain soir. On se retrouve demain même heure même antenne ici même sur. Et d'ici là, bon bang fit, hein, Miss. Bonne soirée tout le monde. Ciao, bye. It's about that time. What time is it? I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops.